Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 31. Alors, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Pour commencer, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Les PDF, malheureusement, c'est pour l'instant toujours en stand-by, donc ils ne sont pas disponibles pour le moment. On essaie de reprendre ça dès qu'on le peut, donc veuillez nous en excuser. Les rappels aussi pour les dons, n'hésitez pas à nous soutenir si vous le souhaitez. C'est grâce à vous que l'émission peut continuer. Ainsi que le site internet, donc uniquement en Monero, exclusivement en Monero, c'est en crypto-monnaie Monero, il y a un guide explicatif sur le site internet à droite. On ne prend plus de Bitcoin, ni d'autres crypto-monnaies. Monero offrant un anonymat total à ceux qui veulent nous soutenir. Je vais procéder maintenant à la présentation de nos membres cette semaine. On est en équipe réduite, mais je pense qu'on aura quand même des échanges intéressants. Je vais commencer avec MacDav. Salut MacDav. Salut Gandalf, salut à tous les amis. Et aussi avec nous cette semaine Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf, bonjour tout le monde. Et enfin Derek est avec nous aussi. Salut Derek. Salut Gandalf, salut les gars, et salut tout le monde, et loué soit. Nos auditeurs n'ont pas oublié de faire leur prière. Hein, oui. L'éther nègre a besoin d'être loué. Tout à fait. Loué soit l'éther nègre. Loué soit l'éther nègre. Alors les amis, sans transition aucune, je vous propose de commencer cette émission avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Premier courrier. Bonjour, je suis un nouveau lecteur et auditeur de Démocratie Participative, et j'adore ce que vous faites. Je m'appelle Valentin, j'ai 23 ans, et je suis en stage en Asie. Je peux pas dire davantage, il a précisé l'endroit, mais à toutes fins utiles, je préfère ne pas le mentionner. Mes parents habitent dans le 93. Là aussi, je vais pas te préciser la commune, c'est pas la peine. J'appréhende d'y retourner quand je rentre en France en novembre. Une ville et région qui représente le pire de la France. Peu de blancs, des nègres et des bougnoules partout. Des fois, je prends le bus, je suis le seul blanc. Ça fait froid dans le dos. Comme vous l'avez conseillé, ne pas fréquenter ces gens et me retrouver rapidement un bon job dans une région à dominante blanche est pure évidence. J'ai un bac plus 5. Il précise quoi, hein, sa formation, je ne donne pas ce détail non plus. Comme j'assiste de près ou de loin, d'après lui, hein, à la mort, ou du moins à la décadence programmée de mon pays, j'aimerais comprendre quel est le but de tout cela. Pourquoi nous faire envahir de nègres et de bougnoules? Qu'est-ce qui est intrinsèquement attaché à notre... Qu'est-ce qui est intrinsèquement attaché à notre race blanche que ces gens veulent voir disparaître? Ma petite idée est que l'on ne peut vouloir la disparition d'une civilisation entière sans se sentir soi-même en grand danger. La gouvernance juive doit se douter que tous ces Arabes et nègres au QI inférieur seront un peuple bien moins rebelle que les Français de souche. Comme ils ont infiltré les centres de décision gouvernementaux, ils peuvent mettre en place leur idéologie mortifère et dans le même temps détruire notre religion catholique par l'immigration massive, ce qui les arrange bien puisque ces gens sont, dit-il, satanistes. Des fois j'ai la haine et je me dis parfois préférer être naïf et ignorer tout cela, tout ce qui me déprime au plus haut point. Peut-être avez-vous déjà répondu à tout cela, auquel cas j'irai écouter le podcast dans lequel se trouve la réponse. En tout cas, j'espère vous faire un don bientôt. Amitié, Valentin. Alors, bon, c'est un courrier un petit peu, une sorte de question-réflexion. Ça peut paraître un peu confus, mais c'est normal quand on est jeune et qu'on n'est pas forcément versé dans la chose politique. Mais justement, comme c'est pas forcément, comme finalement ça va droit à l'essentiel et que ça, c'est une question un peu existentielle, je trouvais que c'était intéressant de la relever. Et du coup, je la pose à nos intervenants. Je vais moi-même, bien sûr, y apporter un début de réponse. Mais en gros, voilà. Y a une espèce de décomposition et la question que se posent les jeunes qui s'interrogent, qui vivent un peu ça et qui ont comme un choc, un déclic, se disent quelle est la finalité de tout ça, où ça mène. Alors évidemment, au fil des ans et au fil des saisons, on a quand même, je pense, dressé un certain nombre de réponses déjà à tout ça, mais est-ce que quelqu'un veut apporter une réponse à notre jeune auditeur? Oui, bien écoute Valentin, premièrement, l'histoire n'est pas uniquement guidée par la raison. Et il peut y avoir même une très forte dose d'irrationalité dans l'histoire, et les groupes dirigeants, les groupes qui ont la possibilité d'influer sur le cours des choses, même si ils ne peuvent pas influencer totalement le cours des choses, ils sont toujours dépendants d'autres facteurs ou d'autres groupes de pression, peuvent agir de façon totalement irrationnelle, qui peut même aller contre leurs propres intérêts à long terme, mais ça peut également agir pour leurs intérêts à court terme. Donc parfois, les gens prennent des décisions qui sont contraires à leurs intérêts. C'est tout ce que je voulais dire. Quelqu'un d'autre ? Oui, alors des gens prennent des décisions contraires à leurs intérêts, alors, sciemment ou inconsciemment. En France, le pouvoir est partagé grosso modo entre les juifs et les fiottes. Bon, dans ces deux catégories-là, tu as des gens qui veulent mourir et tu as des gens qui veulent tuer. Hein. Je vous laisse mettre l'étiquette sur pour savoir qui est qui. Oui. L'objectif, c'est la mort, quoi. En gros, c'est la mort des Blancs, hein, surtout. Oui, oui, oui. C'est bon. Alors, pourquoi, comment on est arrivé là? Les Juifs, la dernière fois qu'ils ont été remis dans le droit chemin, ça leur a pas trop plu. Ils se disent, tiens, peut-être que là, il faudrait qu'on trouve une solution finale, parce que bon, la solution finale... si tant est qu'elle existe, c'est plutôt la solution finale des Juifs par rapport aux Blancs. Hein. Comment mettre un point final à la question blanche. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que bon, on s'est aperçu que ces gens-là avaient tendance, de manière un petit peu trop répétée, à se montrer peu dociles. Hein. Donc bon, noyons-les sous un tsunami de nègres, de métèques, voire de musulmans qui aussi peuvent égorger des juifs autour de temps en temps. Bon, si ça peut... Oui, si ça peut aider ça fait, à finir avec la... C'est des dégâts collatéraux. C'est un moindre mal. Oui, c'est un moindre mal. Donc, ouais, voilà. Le projet, c'est la disparition des Blancs, simplement. Qui en arrange certains qui veulent crever, et d'autres qui veulent tuer. Alors, Fulbert... Toi qui est plus âgé, donc qui a quand même une forme de recul, quand un jeune se pose la question comme ça, pourquoi tout simplement, pourquoi tout ça, quel est le but, tu vois? Toi tu répondrais comment à un jeune qui te poserait la question comme ça, que tu pourrais croiser, qui essaierait de comprendre, tu résumerais ça comment, si tu prendrais ça par quel bout? Pas aisé. Mais, bon, moi j'observe déjà une chose, hein. c'est que le garçon en question, il est dans un pays complètement étranger. Et le retour dans le pays natal lui fait peur. En tout cas, dans la région natale, ça lui fait peur. Ça donne déjà une forte idée de la situation. Alors, ce qu'il pourrait faire... Pas ce qu'il pourrait faire. La question, quelle est la motivation de ces élites dirigeantes, en fait? C'est un peu son questionnement. C'est pas tellement quoi faire, mais c'est plutôt pourquoi. Il revient dans la marmite, je veux dire, dans le Kessel, le Kessel dans le sens militaire, c'est-à-dire on est encerclé de gens qui ne nous ressemblent pas. Pourquoi? Bon, écoutez, d'autres ont déjà partiellement répondu à la question, puisqu'on a quand même des organisateurs juifs, on a des gens qui sont intéressés, les migrants en eux-mêmes, par le parasitage de la société. Donc, je sais pas, moi, à sa place, j'essaierai d'éviter son quartier d'origine, quoi. Alors, puisqu'il pose la question, ce jeune homme, pourquoi? Pourquoi c'est finalement, je dirais, c'est une réponse en deux temps, mais disons qu'il y a autant de... on pourrait peut-être formuler ça comme ça. Je dirais, à cause de qui? Ok. La question du pourquoi pourrait se formuler comme ça aussi. À cause de qui? Je pense que les premiers responsables de leur propre sort sont les Blancs. Je dis les Blancs, je pourrais uniquement dire les Français, mais comme on voit bien, on assiste au même phénomène, au même processus, de l'Australie à la Nouvelle-Zélande, en passant par les États-Unis et le Canada, jusqu'à la Suède et l'Italie, et donc la France. Donc ce qui fait d'ailleurs, ce qui rend caduque les réponses strictement nationales, il ne peut pas y avoir de réponse nationale à une crise de civilisation. Ça, c'est une illusion qui peut satisfaire effectivement certains partis politiques ou certains hommes politiques, ou simplement rassurer des personnes qui sont inquiètes en se disant « bon, finalement la solution elle est juste à portée de main, il suffit de reprendre le contrôle de l'État français, tout ira bien, ou mieux ». Et sauf que non, parce que reprendre le contrôle d'un État, même si ce serait tout à fait bienvenu, ce serait un État sur des dizaines. Donc vous auriez un phénomène bien connu de coalition pour asphyxier cet État. C'est ce qui s'est passé avec l'Allemagne nationale-socialiste. Hein, voilà, vous avez un État qui a voulu s'extirper du cartel bancaire international contrôlé par les Juifs. Il a dû adopter immédiatement, et pas nécessairement de bonne grâce, mais il a dû adopter une politique d'autarcie, en sachant que très rapidement, les Juifs ont commencé à lancer une propagande belliciste, extrêmement agressive, à base de mensonges, etc. Tout ce que, en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens qui parlent de Deuxième Guerre mondiale en général n'ont pas toutes les données ou sont victimes de la propagande de guerre 80 ans après la guerre. Mais si vous voulez comprendre ce qui s'est passé en 1939-45, il vous suffit d'analyser la propagande anti-russe actuelle, c'est la même. La cible a changé, mais c'est la même. C'est-à-dire que c'est les mêmes ressorts, les mêmes mensonges, les mêmes ficelles, etc. C'est probablement plus visible aujourd'hui que jadis, mais bon. Donc, il n'y a pas de solution strictement nationale, et j'en reviens à la question de qui est responsable. Les Blancs sont principalement responsables de leur propre sort. C'est-à-dire que pour moi, à mon sens, il y a une très très grande complaisance des Blancs vis-à-vis de ce qui se passe dans leur propre pays. Ou, formulé autrement, il y a une démission générale des peuples Blancs quant aux affaires de leur propre pays. Donc, à partir du moment où les premiers intéressés ne s'intéressent plus aux destinées de leur propre pays, de leur propre nation, d'autres gens s'y intéressent. Et on les connaît. Donc, ça commence par ça. Donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire... enfin, à porter le blâme sur les groupes hostiles, quels qu'ils soient, hein, je veux dire les groupes halogènes, les juifs, etc. Bon, c'est bien, c'est important, il faut décrire la nature de l'ennemi, ses stratégies, mais l'exercice n'est qu'à moitié rempli une fois qu'on l'a fait. Et je pense qu'il faut vraiment faire un gros travail de questionnement, qui est probablement en fait le plus important en fait, parce qu'à partir du moment, et moi c'est ma conviction, à partir du moment où les blancs se mettront en colère, c'est-à-dire qu'ils prendront conscience d'une qu'ils existent, deuxièmement qu'ils ont des intérêts propres, troisièmement qu'ils doivent les défendre, quatrièmement que des gens s'y opposent et qu'ils comprennent qui ils sont, à ce moment-là, les choses changeront. Mais tant qu'on est comme aujourd'hui, à cause de ce système d'ailleurs, qui se qualifie lui-même, disons, de démocratique et libéral, qui sépare en fait le groupe de l'individu en essayant de placer les droits individuels au-dessus du bien commun, du bien collectif, eh bien, on encourage en fait des tendances déjà très présentes dans les populations blanches qui sont effectivement des tendances à l'individualisme, voire à l'égoïsme. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Je veux dire, au quotidien, ceux qui sont conscients, ceux qui se posent des questions, ceux qui s'inquiètent, constatent autour d'eux qu'il y a un désintérêt, voire un désintérêt volontaire. Voilà. Donc, qui est responsable? Moi, je commence par ça, les Blancs. Donc, après, si vous voulez, ça, c'est la base de départ. Donc, là-dessus, des groupes hostiles mettent en place des stratégies pour tirer les marrons du feu, pour avancer leurs propres intérêts. Mais il n'y a rien de surprenant ni d'anormal là-dedans. Le grand phénomène qui est anormal, c'est la démission des Blancs. Voilà. Donc, la réponse, c'est quoi? C'est de développer la conscience des populations blanches, qu'elles aient conscience d'exister, comme j'ai dit, qu'elles aient conscience de former un tout spécifique, avec des intérêts propres, et qui nécessite d'être défendu. Et si des gens se posent des questions, ils n'ont qu'à regarder comment procèdent les juifs, comment procèdent les musulmans, comment procèdent même les nègres. Ce sont des gens qui vous expliquent matin, midi et soir qu'ils forment des groupes avec des intérêts spécifiques, dont vous êtes exclus, vous, blancs. Ils vous le disent, et ils vous le disent de plus en plus. De plus en plus agressivement, d'ailleurs. Donc, l'illusion, en fait, de la paix, de la tranquillité, moyennant le repli sur sa condition individuelle, ne va pas durer très longtemps face à des groupes de plus en plus nombreux, de plus en plus hostiles, de plus en plus puissants. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce que je dirais à ce jeune-là. Je dirais que... j'observe d'ailleurs que dans son courrier, finalement, il y a une prise de conscience. Il comprend qu'il y a un « eux », qu'il y a un « nous », que ce « eux » et ce « nous » se traduit par une occupation physique de certaines zones, où lui-même n'est pas forcément le bienvenu. Il sent aussi qu'il y a une forme de danger diffus. Voilà, ça c'est le processus de prise de conscience. Qui est inévitable, hein, je veux dire, qui est inévitable. Donc voilà. Donc moi, c'est comme ça que je voudrais répondre à un jeune. Et après, bon, évidemment, hein, toujours se renseigner, s'informer sur les détails. Mais fondamentalement, c'est ça. Donc moi, je pense que le grand problème qu'on affronte, le grand problème, en fait, du 21e siècle, c'est l'apathie des Blancs et la nécessité de sortir les Blancs de cette apathie pour la transformer en colère créatrice, dirais-je. Voilà, si quelqu'un d'autre veut peut-être ajouter quelque chose, ou alors on passe au courrier suivant, c'est vous qui voyez. Oui, par rapport à ce que tu as dit, l'individualisme, ouais, effectivement, c'est l'individualisme des Blancs, quoi, exacerbé. En gros, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà, moi je fais ce que je veux, enfin, c'est très... Il n'y a plus de conscience d'ensemble, hein, oui. Que ce soit même au niveau du voisinage, oui. De la ville, du village, de l'état, voire de la race, on est sur des notions que les gens, énormément de gens, surtout les boomers, hein, faut le dire, oui. N'arrivent pas à appréhender. Hein, c'est, beaucoup de gens ont des problèmes de logique et des ah, problèmes à appréhender. Ils ont des problèmes, des problèmes cognitifs, mais aussi des problèmes d'instinct. Hein. Oui, des problèmes d'instinct. Oui, effectivement. Enfin, par la force des choses, ça s'est fait par l'instinct. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure la chose est rattrapable. Bon, les vieux, bon, je pense que c'est mort. Les jeunes, bon, confrontés à une réalité de plus en plus sinistre, ben là, pour le coup, oui, c'est l'instinct qui va jouer. Reste à espérer que voilà, ça va être. C'est à nous de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui soient, ben, qui comprennent ça. Mais au niveau logique, c'est quand même sidérant. Quoi. Les gens ont du mal à appréhender le béaba de la théorie des ensembles. Quoi. C'est les bases de la logique. Bah, y a un problème parce que, si tu veux, avec les boomers, là. Pourquoi ? Oui, c'est le sentimentalisme. Que... Gentil, tu vois, il faut être gentil. Oui, mais disons que surtout, c'est que ces gens-là ne ressentent pas, pour des raisons évidentes, une menace immédiate. D'accord ? Ces gens-là, ils ont grandi dans la France de l'après-guerre, une France intégralement blanche. Ils ont reçu globalement une très bonne éducation, un bon bagage, on dirait, culturel aujourd'hui. Oui. Ce sont des gens qui ont une situation professionnelle tout à fait enviable. Et globalement, pour eux, comme on dit parfois familièrement, ils sont en terrain conquis. Donc pour eux, ils réfléchissent comme des gens qui possèdent. Ce sont des possédants. Ce sont des gens qui ont, comme ils disent, des acquis. Il y a souvent cette phrase, hein, la défense des acquis. C'est les possédants qui parlent comme ça, qui parlent d'acquis. Les jeunes d'aujourd'hui, les gens qui ont 20 ans, 25 ans en 2020, là, on va arriver en 2020... Oui, ils sont à poil. Je veux dire, que ce soit au plan culturel, bon, ben, non seulement ils n'ont pas d'acquis, mais ils en ont de moins en moins, ils sont de plus en plus dépossédés, et comme je le disais, on leur dit de plus en plus ouvertement que le peu qu'ils ont, de toute façon, ils vont le perdre. Hein, on a parlé la semaine dernière notamment du cinéma, etc. Bon, ça c'est symbolique, mais il y a un travail de dépossession culturelle qui est orchestré. Bon, bah ça c'est clairement. Bon, là on parle d'Hollywood, donc la signature hébraïque elle est présente, quoi. Hein. Donc on leur dit, voilà, non, comment dirais-je, tel personnage de fiction qui appartient à l'imaginaire occidental depuis un bon moment ne vous appartient plus, et ainsi de suite. Mais aussi très concrètement, quoi, dans la rue, hein. Ça, les boomers n'ont pas eu à le subir. Donc ce sont des gens, si vous voulez, dont les réflexes sociaux ne correspondent à une époque qui est révolue, d'accord ? Et vous pouvez leur expliquer ça, leur réexpliquer ça. C'est pas la peine, hein, c'est pas à 70 ans, sauf, à quelques exceptions près, il y a toujours des gens qui sont lucides, qui sont capables d'avoir... qui ont une distance critique à la fois par rapport à eux, par rapport à leur milieu d'origine et par rapport à leur génération. Mais globalement, c'est des gens qui vont pas changer, etc. Donc, quand ils parlent, ou quand les médias, qui sont leur principal fournisseur, dont ils sont les principaux clients, leur parlent d'une certaine époque, ils parlent d'un monde qui n'existe pas. Par exemple, moi, je suis assez frappé de ça. Je vois notamment sur les réseaux sociaux une forme de nostalgie pour Louis de Funès. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça, c'est un symptôme. C'est-à-dire que c'est des gens qui essayent de s'accrocher à des films qui faisaient rire, où il y a une France de la France de leur jeunesse, quoi, hein, avec uniquement oui, les émissions de variété aussi. Tu en as énormément, tu sais, oui. C'est genre les vieux Carpentiers, clips. Tu vois. Ouais, ouais, les vieux trucs, tu vois, où tu avais Sylvie Vartan et Johnny qui étaient tout jeunes. Les trucs comme ça, ça passe. Enfin, hier soir, j'ai encore vu une émission comme ça qui est passée là, sur le service public. Ouais. Pendant une heure et demie, bam, bam, bam. Et ça n'a pas loupé. Hein. Tous les vieux regardent. Hein. Et ben voilà. Et si tu veux, ça crée un phénomène d'illusion d'optique. Parce que la rétine est la rétine. Donc elle est exposée à ça. Donc on voit Louis de Funès. Bon, voilà. Et ça peut donner l'illusion que ça existe encore. Non, ça n'existe plus. Hein, Bourville qui arrive avec sa deux chevaux qui se fait percuter par de Funès qui joue le grand patron arrogant, etc. Bon, ça reste des films à voir, c'est pas le problème. Mais ça ne retranscrit plus une réalité. Et ces gens-là, ils comprennent pas ça, ils comprendront jamais ça. Les jeunes, eux, le comprennent, mais ils n'ont pas, parce qu'on les en prive, ils n'ont pas les outils conceptuelle pour déconstruire ce qu'ils vivent, ou s'ils ont des outils, c'est des outils qui leur sont cachés la plupart du temps. Quand je dis des outils, en fait, c'est simplement des grilles d'analyse, des auteurs, etc. Voilà, les jeunes lisent de moins en moins, quand même. C'était déjà, moi, quand j'étais plus jeune, c'était déjà le cas. Je veux dire, il y avait un effondrement global du niveau culturel, quoi. Et les jeunes là-dedans se posent des questions, donc je comprends qu'ils se demandent, voilà, mais on va où ça, et qu'ils ne trouvent pas les réponses avec cette génération-là. Fatalement. Ou pas les bonnes. Moi, je l'ai constaté autour de moi à titre personnel, hein. Donc voilà, quoi. Mais encore, tu parles de gens qui sont, par défaut, qui seraient susceptibles d'avoir une révélation, de faire un constat de la situation. Le problème, c'est que, regarde, moi j'habite dans un endroit en Belgique qui est relativement calme, parce que isolé à la limite, à la périphérie d'une ville. Et c'est presque un cul-de-sac géographique. Bon, j'ai eu un petit accrochage avec une voisine il y a quelque temps. C'est une dame qui a 80-81 ans, mais qui est toujours bien verte. Elle considère, elle, que les migrants, et c'était la raison de la presque de la dispute, les migrants sont tous des malheureux, on doit les aider. Pourquoi ? Parce que cette femme regarde de façon quotidienne, elle n'a plus son pain quotidien, elle a son JT quotidien. Et c'est ça la différence avec une époque du passé. On avait besoin du pain quotidien et on n'avait pas nécessairement l'information quotidienne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et par ailleurs, il m'est arrivé en me déplaçant dans ma commune de voir dans un parc deux jeunes types, des blancs, hein, dont un des deux avait une casquette orientée trois quarts arrière. Ils avaient une radio et qu'est-ce qu'ils écoutaient ? Du rap. Alors, vous savez, ces gens-là, on va jamais les réveiller. Il faut que le malheur les touche. Il ne faut pas qu'ils continuent à vivre au chaud, dans un certain bien-être, parce qu'ils ne se réveilleront jamais. Quelque part, ils sont déjà morts. C'est ça, ouais. Il y a un phénomène, moi je trouve que c'est le meilleur, c'est un phénomène de zombification. C'est-à-dire, exactement. Ils ont l'air vivants parce qu'ils bougent, mais en fait, en réalité, ils sont morts depuis très longtemps. Et c'est d'ailleurs même toute la vocation du système, hein, de zombifier les masses. C'est toute une science, hein. C'est une science sociale, hein, la zombification des masses. Hein. Et c'est ce qu'ils font, hein. C'est ce qu'ils font. On est vraiment en plein dedans, hein. Quand vous voyez le truc le plus frappant, je crois que c'est le... Je crois que je l'ai déjà évoqué. Je suis certainement pas le seul, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour moi, c'est un des symptômes les plus évidents et les plus indéniables, objectivement, c'est l'effondrement du niveau de la langue française, parlée par les personnes. C'est flagrant, quoi. Hein, maintenant, t'as les profs de français qui font des fautes, je veux dire, d'orthographe, quoi. Ce qui était impensable il y a encore 30 ans. C'est impensable. Une seule faute par un professeur, c'est toute son autorité qui s'effondre. En tout cas, jadis, quoi. Aujourd'hui, un prof qui fait des fautes, bon, c'est... Voilà. Donc ça veut dire que le niveau culturel se casse la figure. Voilà. Et, on va y venir là, dans la deuxième partie d'émission, mais quand vous êtes abruti en permanence et à dessein par ce système, bah, vous comprenez moins. Vous comprenez, si on vous offre un large éventail de connaissances historiques pour savoir d'où vous venez, pour pouvoir comparer des situations, si on vous expose à un large éventail de connaissances, vous allez pouvoir avoir une distance critique vis-à-vis de ce que vous vivez. Mais quand votre horizon culturel est réduit à pratiquement rien, ou allez, on va dire, à 10 chanteurs de rap, quelques influenceurs sur les réseaux sociaux, votre univers, c'est une friche. Vous ne pouvez pas avoir de recul sur votre époque. Vous ne pouvez pas vous interroger. Vous n'aurez même pas, en fait, envie de vous poser la question. Donc, c'est vraiment difficile parce que toute cette ingénierie sociale et raciale n'était pas aussi sophistiqué il y a 40 ou 50 ans. Donc, c'est ça toute la force aujourd'hui du système, via les médias et via, comment dirais-je, les structures qui sont les siennes, c'est cette capacité à zombifier les gens en masse. Et donc à les rendre apathiques et indifférents. À leur propre sort, hein. Je crois qu'il y a un des moments les plus glauques de l'histoire de France. Vous allez me dire que ça peut paraître grandiloquent, mais je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi. C'est vraiment la marche pour Charlie Hebdo. Ça a été un des moments les plus étranges qui m'ait été donné de voir. Oui. Moi, surtout l'enterrement de oui. Charb, je crois. Ouais, on en avait qui parlé. Qui était. Hein. Ouais, c'était excessivement glauque. On et sentait une. Sur le gâteau. Oui, c'était apocalyptique. Dans le sens dévoilement, en fait. Ouais. On était dans une phase où on se rendait vraiment compte que ces gens étaient vraiment animés par un instinct de mort. Ouais. Et on a vu, en fait, des cadavres défiler. Et c'est marrant parce que l'intellectuel de gauche, juif, qui est issu de vraiment de l'intellectualisme juif français, puisque c'est le... Je crois que c'est le petit-fils de Lévi-Strauss, ou le petit-neveu, je ne sais plus. Emmanuel Todd a parlé justement de catholicisme zombie. Mais ce qui est intéressant, c'est le terme zombie surtout. Oui. Des morts vivants se sont réunis pour marcher, mais on ne sait pas en fait vraiment quelle était leur motivation. Quoi. C'était ça qui était frappant, ouais. Ouais. C'était le nihilisme ambiant. Je veux dire, ça ressemble à quoi le nihilisme? C'était ça. Et pourquoi donc je parle de zombification, d'ingénierie sociale, de phénomène de vide qui crée un malaise, c'était ça, parce que d'habitude, et jusqu'à présent, quand il y avait des grandes manifestations, c'était pour quelque chose. Hein, mais là, on sentait que c'était pour rien. C'était le rien, en fait. Et tout le monde se rassemblait, mais c'était pour là. Ils disaient, oui... la liberté d'expression. Moi, j'ai pas du tout vécu que c'était pour la liberté d'expression, quoi. J'ai vu des gens se rassembler pour vénérer le vide qui est le leur, enfin, de ce qu'ils appellent la République. Parce que c'est marrant, parce qu'en plus, là-dessus, il y a une espèce de phénomène sectaire. Vraiment, je parle de... que je comparais volontiers, je veux dire, au phénomène de la secte du Temple solaire ou des choses comme ça, quoi. De plus en plus, la République sert d'alibi pour créer une espèce de communauté religieuse pratiquement millénariste, où chacun peut arriver avec sa petite illumination personnelle. Alors, on peut tout y mettre, hein. La lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre les sacs plastiques dans l'océan, on peut tout y mettre. Il suffit de mettre le mot République, sauf que ça ne mène à rien. Et tous ces gens-là vont vers le rien. Et alors quand vous êtes vivant, quand vous avez un fort instinct de vie et que vous êtes plutôt bonhomme, jovial et que vous avez quand même un peu les pieds sur terre, quand vous voyez ça, espèce de cohorte de zombies comme ça défiler par millions sans trop savoir pourquoi ni contre quoi ou pourquoi, ça crée un vrai sentiment de malaise. Alors moi j'ai eu un gros malaise à ce moment-là, enfin un gros malaise, bon j'ai une distance aussi, mais ça m'a vraiment impressionné. Donc ça recoupe ce que je disais, hein, sur le fait que, moi je vois ça et je vis ça comme ça, je vois que là, pour moi, hein, y a une partie de la jeunesse blanche là qui va, par la force, devoir avoir les pieds sur terre, parce que on lui laissera pas avoir la tête ailleurs en gros. Et finalement, parce que toute cette histoire de Charlie Hebdo et de Grande Marche, c'était très générationnel, en fait. Hein. Charlie Hebdo, c'est par définition le journal des baby-boomers d'extrême-gauche, hein, de 68. Hein. C'était leur journal. Et comme je l'ai déjà dit, on l'a dit ici, mais il faut quand même savoir interpréter les signes, dirais-je. Le fait que ce soit un arabe de banlieue qui les ait abattus à la Kalachnikov, alors que les types avaient passé pratiquement un demi-siècle à cracher sur les mecs qui critiquaient l'immigration, l'islam, l'islamisation, etc. Bon, ils avaient fait un peu d'anti-islamisme à la fin, mais c'était anecdotique. Comment dirais-je, je vois pas comment ne pas voir ce qu'il faut voir, quoi. Voilà. Mais alors, ça dévie un peu, mais ça fait le lien, quoi, sur la question du... Là, parce que là, dans l'individualisme, il y a aussi une forme de nihilisme, le fait de ne pas croire à quelque chose de collectif, quoi. Voilà. Oui, et puis je crois que c'est Einstein qui disait que l'un des plus grands travers de l'humanité, c'est de ne pas comprendre la réalité de la fonction exponentielle. Ouais, c'est vrai que la démographie est liée à la fonction exponentielle, et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'elle signifie. Donc c'est pour ça qu'on leur dit oui, c'est 3%, 3% d'immigration, tu vois. Les Juifs te sortent une statistique totalement erronée. Alors que personne ne dit qu'il s'agit de dynamique, il ne s'agit pas de statique. Donc donner un pourcentage statique, c'est totalement ridicule. Quand on te donne un pourcentage, il faut savoir s'il est dynamique ou statique. Parce que ce qui compte dans l'histoire, c'est justement la dynamique. Et l'exponentielle est liée à la dynamique. Mais bon, après, il y a aussi une question d'intelligence personnelle et puis de volonté de comprendre. Voilà, les vieux sont dans une certaine forme de confort en France. Les boomers jouissent. Il suffit de baladez-vous un dimanche dans le centre-ville de votre ville ou de la ville la plus proche de chez vous, et vous allez voir qui fréquente les restaurants, Ouais, qui c'est sûr. fréquente les lieux de vie sympathiques. Ce sont les vieux, ce ne sont pas les jeunes en France. Et ces gens vivent dans un confort et dans un déni de la réalité qui n'aura qu'un temps, puisque ces gens vont mourir. Bientôt. Bientôt, ils vont passer l'arme à gauche. Donc bon, peut-être qu'après Et cette je crois pas période, qu'il je on crois pas va qu'il soit mourir. pressé de mourir, hein, à mon avis, hein. Mais je pense même que pour l'instant, ils sont en train d'enterrer leur fils. Bah Ils oui, sont en train après. de... Oui. Après avoir enterré leurs parents de manière tout à Oui. fait, ça fait ignoble, hein. Ils les ont laissés crever dans des mouroirs. Les boomers ont inventé les maisons de retraite. Bon, Ouais, voilà, tu hein, l'avais c'est. déjà dit, tu le répètes, ouais. Ah ouais, non, mais moi, ça me. Bon. Ça te trop... Oui. C'est des trucs qui me marquent, quoi. Alors, messieurs, j'espère qu'on a répondu en partie au courrier de notre auditeur. On le remercie de cette question. Courrier numéro 2. C'est un jeune étudiant, j'aime bien les courriers j'aime bien les courriers des jeunes en général, j'aime tous les types de courriers bien sûr. J'aime bien les jeunes qui nous posent des questions qui les taraudent à leur âge, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'ils vivent. Alors, bonjour chers amis démocrates, cela fait maintenant plusieurs mois que j'écoute avec plaisir votre émission qui m'apporte de la bonne humeur chaque semaine. C'est pour cela que je me décide à vous écrire, me reconnaissant dans le courrier d'autres lecteurs, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Je me présente. Étudiant de 19 ans, résidant à Angers, je suis scolarisé dans un lycée privé, dans lequel je fais un BTS. Je dirais pas hein, la spécialité, c'est pas la peine. J'ai fait tout mon lycée dans cet établissement, et j'ai donc de fait pu constater certains changements d'ordre idéologique, démographique et comportementaux. Notez que ce lycée est un lycée catholique. Tout d'abord, j'ai commencé ma formation dans cet établissement par un bac pro. Dans le domaine, donc je ne vais pas spécifier. En dehors du fait que j'ai eu une classe remplie de bougnoules mentaux accro au shit et à l'alcool. En dehors de ça, bien qu'insupportable, cet environnement restait relativement normal. Tout s'est très vite accéléré depuis mon arrivée en première année de BTS. Les nouveaux lycéens étant bien plus déviants que ceux que j'avais pu voir jusqu'alors. En plus d'être de vrais nègres mentaux, prétentieux pour leur jeune âge, ces fiottes consomment des quantités astronomiques de stupéfiants. On ne parle pas ici d'un simple joint le midi, mais de MDMA, d'antidépresseurs et de codéine le midi, en plus d'un joint surchargé. Mais des toxicos expérimentés sont très stupéfaits de voir une telle consommation chez des jeunes. Certains diront que j'exagère, mais non. Toute ma génération est gangrénée par la drogue dure et les déviances sexuelles. Le nombre de viols avérés a explosé dans mon lycée. Évidemment, il est inutile de préciser que l'on ne nous a imposé. Qu'on nous a imposé d'immondes nègres venant de l'Afrique profonde pour étudier aux frais du bon contribuable français. Au-delà de cela, il en va de même pour les profs issus du système qui essayent de nous gaver de l'immonde propagande judéo-nègre. Mention toute spéciale à ma prof d'anglais, conne comme un balai et mal baisée, qui préfère nous parler de sa vie chiante possible au lieu de nous faire un cours décent et qui se met en arrêt maladie de manière décomplexée dès que ça la fait chier de venir en cours. Dixit. Il est intéressant de noter la tentative d'infiltration des syndicats étudiants juifs tels que l'UNL ou de l'UNEF avec la marche pour le climat, stratégie se révélant très efficace pour endoctriner une jeunesse déjà fortement compromise par ce que j'ai cité plus haut. L'anecdote la plus croustillante reste le bougnoule qu'on a imposé dans ma classe. Il faut savoir que nous ne sommes que 8, si on compte l'animal, et que notre ami Simiesque se démarque à merveille par sa connerie. En effet, ce BTS est particulièrement dur, car il requiert de maîtriser beaucoup de domaines techniques. Or, notre ami a poil crépus, a 22 ans et a déjà redoublé deux fois la première année de ce BTS. Il est évident que ce METEC puant sera un boulet pour le gros projet de deuxième année que nous devrons faire par groupe de 3. Comme par hasard, malgré une moyenne évidemment très basse, le bougnoule a quand même été accepté en deuxième année. Comme quoi, la malfaisance des profs babouchelâtres n'a aucune limite. En dehors du fait que cette mère du désert est incompétente, violente et profondément méprisable, le meilleur est que ce METEC essaye de s'accaparer la seule fille potable de la classe. Son comportement d'animal puant ayant évidemment rebuté la pauvre fille catholique, le pompon fut quand le bougnoule a commencé à montrer du porno à toute la classe. Même après cela, mes camarades de classe n'ont pas jugé utile d'envoyer chier ce coprophage. Je souhaite beaucoup de courage aux blancs de souche dans le même cas que moi. Notre jour approche, nos ennemis seront bientôt... Je passe les détails, ça devient haut en couleur. Voilà, j'essaie d'être le plus concis possible. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne émission. Sig Heil, et c'est PW42 qui nous a écrit. Alors, merci pour ce courrier. C'est un jeune, il est en bac pro. Il assiste en fait un petit peu au phénomène que je décrivais, un phénomène un peu de décomposition sociale. En BTS, sociale. Non il est, Oui, il est en BTS. Enfin, il vient d'un bac pro et il est allé en BTS. Voilà, autant pour moi. Il assiste donc à la décomposition sociale et culturelle de sa génération, à coup donc de sexe, mais surtout de drogue, et à l'arrivée, de plus en plus massive et subventionnée, donc d'halogènes de toute nature. Alors, oui, je comprends que ce soit difficile dans ce cas. Oui, c'est ça, c'est le sentiment d'effondrement dont on parlait. Qu'est-ce que vous voulez m'en dire ? Qui veut réagir là-dessus ? Alors... Étant passé par un BTS, même si j'avais pas fait un bac pro, moi plutôt un bac S, parce que je voulais bosser rapidement, c'est vrai que le niveau des BTS a chuté de façon dramatique ces dernières années. Je le vois avec les jeunes. À une époque, c'était un diplôme qui était, je vais pas dire valable, mais relativement valable. Et là, il y a eu un effondrement dramatique de chez dramatique. Donc je sais de quoi il parle, même si moi je l'ai passé au début des années 2000, hein. J'ai plutôt jeune. Donc je vois à peu près de quoi il parle. Et pour tout ce qui est codéine, alors la codéine c'est un dérivé d'opiacé, je crois qu'on peut trouver dans les sirops contre la toux. C'est une drogue qui vient du milieu négro-rappeur américain. Qui a les effets des opioïdes, hein, c'est-à-dire qui vous anesthésie. Et c'est très très à la mode, et ça se retrouve dans la musique, on en parlera plus tard, du rap américain. Ça rend le cerveau totalement atone. Ça a les effets de l'héroïne, mais en version un peu plus homéopathique, entre guillemets. Ça, ouais. Ça vous rend complètement stone, débile. Et c'est vraiment de la drogue de nègre. C'est totalement l'inverse de, des drogues excitantes type cocaïne ou MDMA ou amphétamine. Ça vous rend, entre guillemets, cool et stone. Il y a aussi le problème de la MDMA, du speed, et on va dire de la cocaïne ou de la cocaïne dérivée bas de gamme. Et ça, il faut le dire, c'est une réalité. Ça touche quand même beaucoup de blancs. Oui, c'est beaucoup les blancs, c'est très à la mode chez les jeunes en ce moment. Ouais. Il y a une dizaine d'années, ça se trouvait pas trop, mais là, moi j'en entends de plus en plus parler dans mes environs. Il faut pas laisser passer, quoi. Moi, quand j'ai dans mon entourage quelqu'un comme ça, ça finit un coup de poing, quoi. Voilà. Ouais, surtout qu'en plus, ça a toujours. Ces drogues bénéficient d'un a priori très récréatif. C'est, ah oui, ça me rend guilleré, ça me rend productif. En fait, c'est un petit peu le caféine, mais puissance 100, quoi. Les gens pensent que c'est ça. Ah oui, ça me permet de travailler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blancs qui prennent ces drogues. parce que ça leur permet de bosser, ça leur permet de surmonter la pression. Et c'est valable pas uniquement chez les traders, il y a des cuistots qui prennent ces drogues. Il y a énormément de cuistots qui prennent de l'AMD ou de la coke, parce que ça leur permet de tenir les cadences. Et c'est très très mauvais chez les blancs. Et même, concernant les drogues, les opioïdes, les blancs en prennent également. Il y en a plein dans nos campagnes françaises, c'est un vrai fléau. On s'imagine que c'est une drogue de cité alors que pas du tout. C'est une drogue qui est très très présente dans les milieux ruraux, dans la France périphérique. Et je crois d'ailleurs que le premier département en termes de ratio de nombre d'overdose par nombre d'habitants, c'est la Meuse. Hein. Donc en Lorraine, c'est le département qui est le plus touché, proportionnellement au regard de sa population, par l'héroïne. Pourquoi ? Parce que c'est la route des Pays-Bas. Donc, c'est un vrai problème. Et il ne s'agit pas uniquement, même si nous on est racialiste et raciste, de dénigrer les populations étrangères et halogènes. Hein, il faut également dénoncer les travers spécifiques à notre peuple. Et la drogue rurale en est une. Ouais. C'est l'héroïne dans les milieux ruraux, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. Pour ceux qui connaissent le film La Horse avec Jean Gabin, c'était ça. Quoi. On trouve aussi dans le milieu de la pêche, on retrouve beaucoup de l'héroïne aussi. Ouais, mais c'est venu aussi chez les militaires. Hein. L'opium. Saigon, quoi. Hein. Ouais, exactement, le mal jaune et compagnie. Ouais, je sais pas si tu peux faire beaucoup de missions quand t'es complètement défoncé avec des trucs comme ça. Oui, mais les mecs allaient quand même dans les bordels à Saigon. Ah oui, ça certainement, mais... Ils allaient se... Enfin, ils restaient là pendant quand ils étaient en perme, mais il y en a plein qui sont allés là-dedans, quoi. Oui, certainement, tout à fait. Bah, dans le milieu de la pêche, en fait, c'est un métier qui est tellement... C'est surhumain, en fait, Les gens ont du mal à se rendre compte, quoi. Mais la pêche en haute mer. Ouais. Oui, c'est physiquement parce qu'il faut voir les conditions, hein. À la fois les heures de travail que tu fais, les conditions, le froid, physiquement, ce que ça suppose comme énergie. Enfin, tu peux très difficilement tenir très longtemps. Il faut être une constitution hors norme. Beaucoup de ces mecs-là se défoncent. Alors là, tout y passe en fait, hein. Cocaïne, héros, etc. Et quand les types reviennent à quai, donc les mecs gagnent assez bien leur vie, sauf qu'en fait, ils claquent tout. Parce que dès qu'ils arrivent à quai, juste pour décompresser, d'après leurs 15 jours en mer, par exemple, ils sont bourrés 3 jours non-stop. C'est des gens qui ont énormément de problèmes d'addiction. Ce n'est pas récréatif. C'est pour pouvoir tenir les conditions de travail qui sont particulièrement dures. Ouais. Voilà. Ouais, c'est marrant, tu retrouves vraiment ça chez les saisonniers. Ah ouais. Sur le continent, ouais. C'est typique. Enfin, c'est vraiment typiquement un problème de saisonnier parmi la drogue du travail, quoi. Oui, donc il y a différents usages. C'est ça qu'il faut voir aussi. Il y a des gens qui peuvent tomber dans l'addiction pour des raisons totalement différentes. Hein. Mais là, on est sur une drogue dans la jeunesse. Donc là, on est clairement dans le récréatif, du moins au départ. Mais on sait que tu passes. Enfin, il y a de très fortes chances qu'en commençant avec une drogue pas aussi forte que les autres, le shit ou d'autres. Hein. Tu te retrouves sur autre chose parce que tu vas te retrouver en soirée avec des collègues, on va te proposer un truc, phénomène de mimétisme social, les mecs te chambrent, ils disent bah tu vois machin, et si t'es pas trop demandeur au début, tu suis quand même, et puis t'y prends goût, et tu te retrouves à cramer du pognon et à passer, enfin en fait à perdre du temps et à t'abîmer la santé et à surtout à t'abîmer le cerveau pour t'abîmer la tête, ouais. Voilà, et moi j'ai connu ça c'est intéressant d'en parler, j'ai connu certaines personnes, des jeunes autour de moi qui s'en sont pas remis, j'ai un certain nombre de collègues personnels qui ne se sont pas remis de l'usage des stupéfiants. C'est-à-dire qu'ils ont perdu une partie de leur cerveau, pour parler clairement, quoi. Comme on dit, ils sont restés perchés. Ouais, ils sont restés chez père. Ils sont restés chez père. Mais vraiment, parmi la drogue, je crois qu'il fait le plus de dégâts, qui est très sous-estimé, l'ecstasy. Énormément de dégâts, c'est souvent de la mauvaise cam, c'est de la très mauvaise cam. Vous savez pas ce que, parce que les mecs vous vendent des cachons, vous savez même pas ce que c'est. Au moins, j'ai envie de vous dire, au moins, quand vous achetez de l'herbe, c'est de l'herbe, d'accord ? C'est sous votre nez, vous savez ce que c'est, d'accord ? Bon, c'est un cachet, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et il y a des cas comme ça, hein, vraiment, il y a des drames comme ça, vous ne savez pas ça a été coupé par qui, comment, dans quelles conditions, soulignons le rôle des juifs dans la confection d'ecstasy, les laboratoires en Hollande, etc., ou les laboratoires roulants, les juifs jouent un rôle très important dans ce trafic particulier. On a des cas comme ça de gamines qui prennent un exta dans leur chambre et qui se balancent par la fenêtre. Hein, ça arrive. Une fois qu'elle est par terre, elle est par terre, la fille. Hein. Vous pouvez pas la récupérer, c'est fini, elle est morte. Et d'autres drames comme ça, c'est-à-dire notamment dans les ce qu'on appelle les rêves parties. Ou les techos. là, c'est des trucs un peu plus sauvages. Bon, je sais que les autorités ont essayé quand même de réduire un peu le phénomène en saisissant beaucoup ce qu'on appelle les sons, les murs de sons. Mais enfin, il y en a quand même. Là, c'est pareil. Vous avez des gens qui arrivent, c'est des dealers. Ils vous proposent d'un peu de tout. Hein, vous avez de la drogue à cheval, etc. La kétamine. Ah. Oui, la kétamine, donc drogue de cheval, etc. Et avec des histoires terribles. Par exemple... Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que ces périmètres sont connus à l'avance des dealers. Les périmètres où vont avoir lieu des rêves dites sauvages, parce que vous avez une entente entre les organisateurs, les gros trafiquants de drogue, et aussi des gens à l'intérieur de l'appareil d'État, il faut le savoir. Et vous avez des gros dealers d'Île-de-France qui arrivent, qui viennent placer sur les lieux la drogue à l'avance, etc. D'autres qui font rentrer la cam avec des chiens, ils font bouffer la cam à des chiens, qui vont ensuite ouvrir à la... Ouais, ça c'est assez régulier. Ouais. Alors c'est marrant parce que ces milieux sont relativement... Enfin, ils ont une sensibilité écolo, voire animaliste. Oui, les consommateurs. Par contre, ça ne leur pose aucun problème d'aller dans ces endroits. Alors que très régulièrement, on peut entendre, ah tiens, 5 chiens ont été découverts et éventrés dans tel lieu où il y avait une rêve partie quelques jours auparavant. Ça, jamais les gauchistes ne mettent la focale là-dessus, alors qu'ils sont très très écolos et sensibilisés à la cause animale. Hein. Faudrait pas ruiner la fête, quoi. Non, et alors vous avez dans ces rassemblements où vous avez de tout, parce qu'il faut bien comprendre que dans ces rassemblements sauvages, oui, l'écrasante majorité des gens qui vont là viennent simplement écouter de la musique, passer du bon temps. Oui, c'est vrai. Mais ce type de rassemblement n'attire pas que des gens comme ça. Outre les dealers, vous avez les cas pathologiques, des sociopathes ou des psychopathes qui sont sous cam, qui arrivent, et eux, ils ont d'autres idées en tête. Ils ont des flashs même, parce que les types sont tellement... Soit qu'ils sont déjà dérangés à la base, et ce sont des cas psychiatriques aggravés par l'usage de stupéfiants. Vous avez des mecs comme ça, ils ont des flashs, hop, ils attrapent une gamine, ils la tirent dans un sous-bois, ils la violent, ils l'égorgent. Des cas comme ça, vous en trouvez, moi j'en connais, des cas comme ça. Hein. Bon, après les parents, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. « Où est ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Bon. Évidemment, ce n'est pas la généralité. Mais il faut savoir que c'est une pente qui est toujours glissante, les stupéfiants. Il faut s'en méfier énormément. Et voilà. Ce cas-là, Gandalf, enfin, j'insiste parce que ça touche vraiment la jeunesse blanche de la France périphérique. Hein, ce n'est pas quelque chose qui va toucher... Les nègres de Seine-Saint-Denis, ça pollue nos campagnes, ça pollue nos milieux. Et enfin moi je pense que nos auditeurs savent quand même assez bien de quoi il s'agit. Et bon, je pense pas qu'on apprenne des choses à nos auditeurs. Non, on leur apprend pas, mais il faut le souligner parce qu'il dit parce que c'est un phénomène qui s'amplifie, qui se maximalise. Les pouvoirs publics ne font rien à l'évidence, hein. Je veux dire bien au contraire. Sur les festivals même installés, les festivals institutionnels, vous avez à côté des scènes des campings, etc., dans tous les campings, vous trouverez des nègres de banlieue qui, je veux dire, qui ont pignon sur rue et qui vendent la cam au vu et au su de tout le monde. Bon, il ne tient qu'aux ordinateurs de les dégager, ils les dégageront jamais. Donc voilà, donc bon. Alors en plus, ces sites sont surveillés des semaines à l'avance. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on enterre le nécessaire sur place. Et il y a pas mal d'affaires de... Enfin, il y a des règlements de compte de dealers ou des types qui viennent des banlieues et essaient en fait de gratter du territoire de vente sur d'autres dealers un petit peu plus des dealers un peu plus ruraux. Et t'as des affaires comme ça, je me souviens une, c'était déjà une dizaine d'années, où un type qui avait enterré une dose de coke assez importante sur un lieu de festival s'était fait choper par des dealers de Seine-Saint-Denis. Les types avaient carrément quadrillé le terrain, quoi. Ils avaient envoyé des types pour surveiller le terrain des jours à l'avance. Ouais, ils le font systématiquement. Oui, c'est pas du tout étonnant. Alors bon, on est passé là sur le phénomène éventuellement des rave parties ou des festivals. On s'écarte un petit peu du truc, mais bon, pour dire que le problème est bien installé depuis un bon moment. Et maintenant, de ce que nous dit notre auditeur, bon bah ça se généralise maintenant carrément dans les lycées. La codéine. Il faut comprendre, hein, je veux dire, si on part sur des gens qui ont 17 ans, 18 ans, et qui sont déjà dans la MDMA, etc., c'est quand même mal engagé pour la suite, je veux dire. Parce que c'est. Ouais, ouais. Pff, je veux dire. C'est... Alors, par contre, la codéine, c'est vraiment un truc qui vient des États-Unis et de la culture, la culture rap. Alors c'est vraiment du sud-ouest sud-est pardon des États-Unis quoi. Ça c'est assez typique. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le sirop en fait. Ils appellent ça le sirop violet. Enfin ils mélangent ça du soda, de la limonade ou des sodas à la con. Et c'est des opiacés. Aux États-Unis aussi ils ont un vrai problème avec les opiacés qui se retrouvent dans les médicaments, l'oxycodone et compagnie. Bon, ça touche aussi malheureusement beaucoup trop de blancs. Et encore une fois, en fait, ce qui vient du monde du travail se déverse dans le monde récréatif et ça touche les jeunes, quoi. C'est vraiment une saloperie. Vous avez aussi le phénomène du crack, mais ça c'est plus... on retrouve ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a du crack en France, hein, bien sûr. Mais on le voit de plus en plus dans la grande banlieue parisienne, des nègres qui viennent vraiment d'Afrique, type des migrants, etc., qui sont défoncés au crack. C'est une drogue de nègre. Ouais, c'est une drogue de nègre. C'est tout à fait une drogue de nègre. Mais maintenant, c'est vraiment, je veux dire. C'est drôle parce que ce qui le rend de plus en plus visible, en fait, c'est précisément l'invasion migratoire, le fait que vous avez des camps sauvages de migrants qui s'installent un petit peu partout dans les grandes villes françaises, et pratiquement immédiatement, ces camps de migrants et ces migrants-là qui viennent souvent d'Afrique se mettent immédiatement à recourir à ce type de stupéfiants. Donc vous avez des nègres pieds nus qui déambulent, mais vraiment comme des zombies, hein. Je parlais de zombification, il n'y a pas que les blancs qui sont zombifiés. Ça vous rappelle vraiment des scènes de Walking Dead. Hein. Vous voyez vraiment des nègres parlant tout seuls, qui comme ça, portent de la chapelle et ailleurs, qui déambulent, même qui dorment en pleine rue, on le voit aussi ça, hein. Qui dorment sur la voie, devant tout le monde. Ah oui, mais les vidéos qu'on tournait là très récemment sur Twitter, on voit des parkings privés qui sont envahis par ces nègres. Les cages d'escalier à Paris sont envahies par ces nègres qui s'injectent ou qui fument. Ouais, c'est pique, ouais. Ouais, alors ça, c'est encore autre chose. Mais ça crée une ambiance générale. Et je crois que ça donne un bon aperçu des valeurs républicaines. C'est ça. Républicaine. Il va falloir penser à mettre de l'écho. Ah oui, c'est vrai. Qui d'autre là-dessus ou je passe la rubrique. Oui, alors moi, je voulais juste dire quelque chose. Vraiment, le BTS n'a vraiment aucune valeur, sauf s'il est fait en alternance. Voilà. Donc, moi, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, si il vous prend l'idée de travailler assez rapidement pour des questions d'indépendance ou autre, faites vraiment un BTS en alternance et ne le faites surtout pas en mode continu, quoi. Parce que Pareil pour le vraiment DUT, hein. l'avant. Oui, tout à fait. Le seul avantage de ce genre de diplôme, c'est certainement pas le savoir qui vous y a enseigné en cours, parce qu'il est. Enfin, pour mon cas, il était inférieur à celui du bac. Et pourtant, mon Ah bac à oui. l'époque ne valait déjà plus rien. Donc, vraiment, trouvez-vous un patron, quel que soit le BTS. C'est vrai qu'il y a des BTS qui sont assez appréciés par les professionnels. Mais trouvez-vous un patron, ne faites surtout pas ça à temps plein dans un lycée. Vous perdrez votre temps. Et ça, c'est. Pour qu'un. Même pour un bougnoule, redoubler une première année de BTS, faut vraiment y aller, quoi. Je pense qu'il faut. Il faut faire une Alors qu'il demande a même en express, redoublé hein. deux, hein. Le type en a redoublé deux d'années, alors le Ah, bougnoule, mais c'est pas c'est possible. ça. C'est inférieur au niveau bac. En termes de tout ce qui est matière scientifique, physique ou maths. Même parmi les BTS les Enfin, plus réputés. inférieur au bac général de l'époque, ouais. Enfin, ce que tu as eu, le bac Oui, enfin, s'il qui vient du valait bac pro, déjà c'est rien. peut-être. Le bac du Ouais. début des années 2000 ne valait rien. Faut être honnête. Il valait peut-être mieux Ouais, qu'aujourd'hui. mieux que maintenant quand même, Mais. hein. Ouais. Ah non, mais c'était déjà en chute libre aux années 80, quoi. Alors passons à la rubrique numéro 2, autisme radical, chers amis, si vous le voulez bien. Voilà en Allemagne, où une élue écologiste, même si j'ai des doutes hein, sur le sexe de l'intéressé E. Donc c'est une élue politique écologiste qui réagissait, c'était une députée, une ancienne députée en fait, qui réagissait, vous savez, à ce meurtre hein, dans une Ah oui, gare. putain, l'espèce de créature, là, oui. Oui, c'est donc un Érythréen qui venait de Suisse, enfin qui était établi en Suisse et qui était en Allemagne et qui a poussé sous un train donc un gamin de 8 ans. Et donc évidemment, ça a fait beaucoup parler outre-Rhin, puisque vous savez que la question depuis 2015, de l'immigration de masse enclenchée par Merkel a généré toute une série de déprédations, de viols, d'assassinats, de meurtres par les hordes d'envahisseurs musulmans, bien sûr, mais pas exclusivement musulmans, hein. Vous avez aussi d'autres migrants marrons hein, qui viennent d'autres contrées, bref. Et donc, bon, ça a évidemment relancé le débat, voilà. Et la réaction de cet élu est assez révélatrice. Et là, je cite la publication de droite, Junge Freiheit, qui veut dire jeune liberté, si vous voulez. C'est ce que ça nous dit. Alors, après l'acte sanglant commis à la gare centrale de Francfort, l'ancienne députée écologiste Valérie Wilms a averti les passagers de ne pas s'approcher trop près des voies. Si tout le monde obéit aux règles, ces mesures sont suffisantes pour utiliser les plateformes en toute sécurité, a-t-elle déclaré. Comme dans le cas du trafic routier, l'utilisation des installations ferroviaires doit faire l'objet d'une attention particulière. Ceci inclut également le fait de ne pas entrer dans la zone de la voie ferrée. Cela suffit généralement parce que nous avons appris très tôt comment faire face aux dangers de la circulation. Lundi matin, un Africain avait poussé une mère et son fils de 8 ans devant un train qui arrivait à Francfort. Le garçon est mort, la mère a pu se sauver, mais est elle-même blessée. Donc voilà. Donc en substance, vous devez éviter les voies ferrées pour ne pas vous retrouver sous les trains. C'est le conseil de Oui. cet élu écologiste. Alors, Derrick, est-ce que tu penses qu'il faut Oui. éviter les voies ferrées? Ben, il faut éviter les voies ferrées. Puis bon, il faut éviter aussi de déambuler sur la route. Hein. Rappelez-vous la GTA à Nice. Ben, les gens étaient sur la. Bon, même si c'était fermé, mais ils étaient quand même sur la route. Ils n'étaient pas sur le trottoir. C'est juste, Alors que c'est juste. bon, hein. Ces gens-là sont quelque part, ils l'ont mérité, tu vois. Ils ont mérité de, hein, de D'être se faire écrasé. écraser par, Eh ben ouais, parce que quand t'es sur la route, tu mérites de te faire écraser. C'est Hein. pas C'est faux, comme c'est ça. pas faux. Ouais. D'aucuns auraient peut-être dit Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que j'éviterais plutôt de m'approcher trop près des nègres, à vrai dire. C'est un peu ça que j'aurais tendance. Enfin, Surtout des nègres de la Corne de l'Afrique. Ils sont Oui. particulièrement. Particulièrement. Ils sont pas particulièrement nègres, si tu veux, parce qu'ils sont relativement clairs. C'est l'espèce de bâtard entre arabes Bah et ouais, entre bah nègres, hein, justement, pour le coup. je crois. Et ça te donne le pire des deux races, quoi. Hein. Voilà, C'est le nègre qui devient complètement sauvage pour une raison absolument inconnue, hein, même inconnue. Lui-même ne sait pas pourquoi. Oui, Et le vice, la cruauté ouais, le vice de l'arabe, tu vois, qui te pousse sous les roues du train avant qu'il arrive, tu vois, c'est le coup de, le, voilà, le côté pute, hein, de cette race sournoise qui arrive là avec un petit peu comme leur cousin juif, hein, avec le dos courbé, Un peu les plus mains, haut. les mains. Ouais, c'est ça, ils sont un peu plus grands, c'est ça. Non, je veux dire, ils sont un peu Mais plus d'ailleurs, grands. je crois que les seuls nègres juifs viennent de cette partie de l'Afrique, hein. Oui, tout à fait. Oui, Bah, enfin, il y en a certains en Ouganda, mais. finalement, que ce soit les Arabes, que ce soit les Juifs, ou que ce soit ces Érythréens, machin, ils communient tous plus ou moins autour de la mer Rouge, hein. Oui, n'est-ce pas, hein, Bah ouais, voilà. tu vois, c'est le peuple de Moïse, Bah, voilà. voilà, c'est... Il y a une convergence. Jésus, Bah, c'est pas Jésus, c'est oui. plutôt la Bible, c'est Ouais, la Bible. je sais pas, il y a des trucs. D'ailleurs, Faut voir l'Érythrée l'état en de la question, Somalie, quoi. Quand tu regardes les l'état de la non. Somalie. Ouais, mais là, Ça, c'est les têtes tu as le d'ampoule, ça. cadeau C'est bonus, si les tu têtes veux. d'ampoule, c'est les têtes Ouais. d'ampoule, ça. Bah là, les Érythréens, c'est un peu pareil, sauf que là, l'Érythréen, Il est un c'était peu pas un plus grand, lui. musulman, à part. Hein. Non, oui, Ouais, il j'ai bien aimé. La presse turque, là, j'ai lu ça dans la presse turque anglophone, tu vois, le média international. Comment c'était formulé comme ceci? L'intégriste Non, non, catholique! non, non, il disait un Érythréen chrétien orthodoxe. Tu Non, mais c'est vrai un peu ça pour Non, le mais coup. je dis pas le contraire, mais il faut quand même préciser que Ah, mais c'est. l'Érythrée, c'est 50-50, si tu veux. Et je crois pas que la sauvagerie de l'Érythrée s'explique totalement par la dimension chrétienne. Je crois que c'est pas tout à fait ce qui prédétermine, si tu veux, ce type de flash qui Non, peut mais c'est bon traverser quand même le. de. Oui, non, mais C'est bien bon de le sûr. rappeler si tu veux, parce que on a quand même une certaine droite Oui, autiste, oui, oui, dernier degré en France, c'est tu sais, la droite républicaniste qui. Pour qui les races n'existent pas, enfin Oui, bah bon, les boomers, oui, les boomers, donc. oui, les Mais boomers, je crois que c'est dans cette zone de l'Afrique, ces saloperies nègres, ils sont défoncés toute la journée au. C'est comment? C'est une plante, c'est le kalk, je crois. Je sais pas si. Ah, je suis C'est pas pas familier. vrai. Je crois pas que ce soit par là. Si, c'est par là, enfin, Non? c'est Quoi? aussi tout au sud de la péninsule arabique, au Yémen, et dans cette partie-là de l'Afrique, Érythrée, Somalie, où c'est des nègres qui sont totalement défoncés, mais toute la journée, quoi. Et enfin, déjà, le nègre de base, on va dire, de l'ouest de l'Afrique, c'est déjà quelque chose, mais alors ces nègres-là, c'est ancré dans leur gène, ils se droguent depuis des générations, ils sont ultra agressifs, quoi. Ouais. Vraiment de la merde. Bah, Ah le bah oui, somalien, quand on encore croise somalien, c'est haineux. Hein. Le somalien, c'est vachement haineux. Hein. Ouais, parce que nous, on a les nègres qu'on se tape, c'est plus des bonnets, en fait, de l'Afrique. Bah C'est pour ça que l'État le français nègre le plus les aime bien. démoneur, c'est le nègre le plus démoneur, c'est le sénégalais. Le sénégalais, il est débonnaire, il est pas. Oh non, oui, le gabonais aussi, pas mal. Ouais, c'est bon, voilà. Par contre, mais on en a en Afrique de l'Ouest, est particulièrement mauvais aussi. Bah Ah oui, ouais, c'est tout. Oui, le les Libéria, quoi. Guinéens. Ouais, le Libéria, oui, n'en parlons pas. Oui, voilà, c'est pratiquement. C'est un univers parallèle, le Libéria. Hein. Je pense qu'on a déjà cité ce documentaire fameux, mais si vous ne l'avez pas fait, ou si vous avez loupé une émission dans laquelle on le mentionne, vous pouvez visionner ce documentaire sur les généraux cannibales du Libéria, je le recommande vivement. Ah oui, c'est Vous allez voir indispensable. ces gens-là. Comprendre les nègres. Voilà, comprendre les nègres, vous allez voir ces gens-là dans leur milieu naturel, développer leur culture. Ne soyez pas surpris si vous voyez des gens manger des cœurs face à la caméra. Ne soyez pas étonnés. C'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc, Fulbert. Et ça, c'est bon. Oui. Et ceci en gardant l'esprit que les nègres du Libéria ont été des nègres américains qui ont été renvoyés sous oui, en partie, Monroe, oui. Si je me souviens en partie, bien. Oui, en bonne partie même. À qui Monroe, le président américain Monroe, avait... Oui, c'est Monroe. Avait fait voter une loi pour leur permettre de rentrer sur le terrain de leurs ancêtres, le continent de leurs ancêtres. De là, d'ailleurs, la capitale, c'est Monrovia, hein, ça vient de Monroe. Ouais. Et ils sont retournés à l'état sauvage. Pire que ça, ultra sauvage. Ouais, ultra sauvage, ouais. Regardez les documentaires. Parce que plutôt que de perdre du temps à regarder des trucs que vous avez l'habitude de voir, je sais pas, de divertissement, etc., allez fouiner un petit peu, faites un peu de l'ethnologie en amateur et cherchez des documentaires sur les pires bleds d'Afrique. Par exemple, en lien avec un fait divers, voilà, vous entendez l'Érythrée, quoi, un Érythréen. Vous savez, plutôt que d'entendre juste des trucs, allez ensuite sur YouTube, tapez Érythrée documentaire, mais pas les trucs animaliers ou les machins. Non, genre des trucs avec Érythrée, guerre ou machin. Et là, vous allez voir vraiment comment fonctionne ce type. Érythrée sur Besgor, par exemple. Ah ouais, non, mais vous allez voir des choses. Ah bah tiens, on a diffusé, là. Vous avez vu ça? J'ai vu ça avec, la défense du droit de propriété dans l'Est, dans l'Ouest du Kenya. Oui. J'ai découvert quelque chose. Hein. Ah bah ouais. Ah, j'ai découvert Tu ne voleras pas des poules. Voilà, alors... T'as découvert que les nègres ne savaient pas affûter leurs machettes. Oui, qu'est-ce qu'il était mal affûté, ce coupe-coupe? Ah bah oui, oui. Tu rigoles, c'est... Tu sais qu'ils ont eu le même problème au génocide de Rwanda, hein. Les machettes qu'ils avaient achetées, c'était absolument pas affûté. Ouais. Ils ont dû s'y reprendre. C'est pas des samouraïs japonais, quoi. C'est pas le katana ultra tranchant. Je suis d'accord, mais permets-moi de suspecter que au moins la moitié des nègres concernés tapaient avec le mauvais côté. Bah écoute, si on prend une répartition statistique, je pense qu'on en avait 50%. Oui, c'est du hasard, quoi. Oui. Alors là, dans l'ouest du Kenya, donc chers auditeurs, si vous n'avez pas eu le loisir de découvrir cette vidéo, vous pouvez la découvrir. le nègre, t'as l'impression que c'est un meuble Ikea, tu sais. Ah putain, le meuble, chérie, le meuble là, il nous fait chier là, on va le jeter à la poubelle, mais il passe pas par la porte. Bon, bah attends, ouais, je vais chercher la machette et puis. Ah ouais, non, mais il y a le type. Ah, ce qui m'a surpris, c'est que le meuble ne bougeait pas. Le meuble ne fuit pas. Il accepte sa punition. Précise bien, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, l'origine du grief est bien le vol d'une poule. Oui. Voilà. Bon. Alors, mais c'est un vrai conseil pédagogique que j'adresse à nos auditeurs. Si ce n'est déjà fait, je sais qu'ils sont curieux, donc ils vont sur YouTube se renseigner, essayer de trouver des choses qu'ils n'auraient pas vues, mais vous allez vraiment découvrir des choses sur des documentaires. Mais il faut creuser, quoi. Il faut creuser, et vous allez découvrir ces nouvelles populations que nous accueillons à bras ouverts. Oui, et n'oubliez pas, ces nègres ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Ah ça, oui. Ils sont autres. N'hésitez pas, chers amis qui voudraient vous inscrire à ma chaire de négrologie. Une annonce. Les places sont ouvertes. Ça y est. Voilà, comme Marion Maréchal, j'ai décidé de monter ma structure pour un magistère. Magistère qui ne vous offrira absolument rien au niveau T'arrête. Au niveau institutionnel, ça n'offrira rien. Par contre, ça sera très utile, j'en suis sûr. Exactement. Voilà, on a parlé du Libéria, du côté de la Côte d'Ivoire, donc qui est frontalière. Hein, tu as écrit une thèse sur ces régions-là. Oui, sur la gastronomie et négritude. Gastronomie et négritude, donc en Côte d'Ivoire, hein, c'est ça. Hein. Côte d'Ivoire et Libéria. Ouais. Côte d'Ivoire et Libéria, voilà, tout à fait. Beaucoup de choses. Mais je crois que le maire de Toulouse aussi, vous vous rappelez, est un... Oui, c'est un roi nègre. C'est un roi nègre. Non, mais en plus, c'est ça. Non, mais excusez-moi. Les, gens, ah oui, non, les auditeurs, là, si vous avez loupé encore cette nouvelle, excusez-moi. On en avait parlé. Non, c'est officiel. Il a, le maire de Toulouse a effectivement été fait roi nègre par une ethnie nègre quelconque qui vit à Toulouse et une cérémonie, un boubou. Il a trouvé les images en ligne. Voilà, il a été fait roi nègre. Oui, je crois qu'il s'agit d'une ethnie ivoirienne. Ce sont des Akans, je crois, hein, des Baoulés, sûrement. Ouais, ceux-là sont assez. Cette ethnie-là, soit c'est calme. C'est l'ethnie des dévoreurs de des nettoyeurs de forêt, si tu veux. Là où ils passent, il y a plus de. Tu peux aller dans la forêt tranquille parce qu'ils bouffent tout. Hein. Du serpent à l'araignée, au singe et compagnie, ils nettoient. Ah non, mais c'est vrai. Hein, Ah ouais. Bon, ça c'est. Ils mangent. Ah oui, tu vas dans la jungle, tu crains rien. Ah, ils bouffent tout, hein, ils bouffent tout, bien sûr. Les tarentules? Ah, bien sûr, les espèces de gros trucs. Moi, une fois, je vois un nègre passer avec un singe sur le dos, quoi, au bord de la route, quoi. Mais le singe était mort, c'était son repas du week-end, quoi. Eh, tu sais, on pourrait leur trouver une utilité, hein. Parce que, je sais pas si vous avez fait gaffe, sûr, on ouais. peut trouver des moutons, tu vois, maintenant, dans les zones industrielles qui oui. ont fils de tondeuse. Ah, oui. oui, bah ça disparaît. Donc, alors, oui. On pourrait alors ça, les tu as comme broussailleurs. Ça, tu as eu des. Je crois que c'est. Il me semble que c'est au Kenya d'ailleurs. Hein, pays qui est très attaché au droit de propriété. Oui. Où tu avais un pasteur qui faisait manger l'herbe à ses ouailles. Parce que, bon. les plantes de Jésus, enfin bon, peu importe, la crucifixion ou que ce soit, il leur faisait bouffer de l'herbe. Quoi. Alors, tu as des photos magnifiques. De nègres broutant de l'herbe dans des pâturages, c'est merveilleux. Je crois que le franchement, hein, d'entre tous, celui qui m'a le plus impressionné, c'est le pasteur qui a découvert la biramycine. Alors là, j'ai... la biramycine, ça m'a conquis. Ah bah oui, oui. Ah, comme religion, c'est quoi, j'ai c'est été. C'est quoi ce truc ? C'est une religion. C'est une religion. La biramycine, c'est une religion. Ah, tu connais pas la biramycine ? La religion, bah, Dieu, oh Dieu non, la biramycine. Alors, en c'est fait, une nouvelle, c'est une nouvelle trinité, religion. En fait. Hein. C'est une nouvelle religion. C'est en Afrique. Je crois que c'est au Congo qu'on trouve ça, mais ça doit essaimer. Alors, c'est très simple. C'est la rédemption par la consommation de bière. Au Congo, Brazzaville, nous avons trouvé une personne qui a les trois critères qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu lui-même : l'omnipotence, l'omniprésence. L'omniscient. Et cet homme, c'est qui Émile Louvoy ? C'est toi. Il est né sans nombril. Et c'est un message que nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la biramycine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougui est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biramycine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biramycine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Qui est en fait un médicament pour le salut de ton âme, donc ça fait biramycine. C'est vrai, c'est-à-dire que tu as, dans bière, la Sainte Trinité, tu as Jésus, le Père, voilà. Et le Saint-Esprit, bon, qui est très très très... très très facilement associable à la bière. Voilà, 8 degrés. Et tu veux voilà, dire la Belgique. Hein? Oui, c'est une religion en Belgique qui a un grand avenir, hein, Fulbert, surtout oui. hein, vu la grande développement, la grande histoire entre le peuple belge et le grand peuple congolais. Oui. La biramycine a de l'avenir. Biramycine, je suis sûr qu'il y a des pratiquants d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, on bouffe de la viande de singe maintenant. Hein, dans nos pays occidentaux, donc ah, y a pas de raison, je l'ignorais. Ah bah non, mais il y a, il y a de la viande de brousse régulièrement saisie. Bien sûr, dans les aéroports, hein, les types chopent de la viande de singe très régulièrement. Imaginez les... En plus, comme ça doit être conservé, quoi, les virus qu'on doit trouver dans ces trucs, ça doit être... La fameuse peste du... Oui, c'est quoi ? Il y a une maladie spéciale. Il doit pas en malheureusement, avoir qu'une. Non, mais il y en a eu une... Je sais pas si c'est la peste du singe ou quelque chose comme ça. Il y avait eu un cas en Angleterre. Malheureusement, la médecine de ces diables occidentaux a empêché la pandémie. Ça ne sera pas le cas... Éternellement, hein, non, bah non. Hein. L'éternègre reviendra à la charge. En plus, je veux dire, il y a des interconnexions. Quand vous connaissez, par exemple, l'hygiène dans les camps de Rome, donc il suffit, en fait, qu'il y ait un nègre qui balance un morceau de carcasse de viande de brousse au coin d'un camp Rome pour qu'une nuée de Rome vienne sucer les os de la carcasse, contracte le virus inconnu, et puis commence à devenir un véritable foyer de pestilence en plein périphérique. Non, mais je compte beaucoup là-dessus, moi. Moi, je compte sur le fait que les gens qui accueillent des migrants sont soit des putains nègres, ou soit des fiottes. Hein. Tu as des cas d'élus locaux qui se font broquer par des nègres venus du Sud-Soudan. Hein. On avait eu le cas de maire UDI ou je sais plus quoi. Enfin, oui. Les cas sont nombreux. Voilà, il y aura un jour quelque chose chez ces gens-là. Donc, du nègre aux putes, aux fiottes, on aura quelque chose de beau à observer. Espérons le miracle. Des espèces de zombies. Pour le coup, oui. Vous savez, là. Et peut-être Ebola aussi, ça peut être bien ça. Parce que Ebola suppose une contamination de très forte proximité. Hein. On a besoin du contact. Écoutez. Hein, ne pas désespérer. Exactement. Je sais qu'ils ont découvert sur des migrants en Suisse, si ma mémoire est exacte, des virus extrêmement résistants aux antibiotiques. Extrêmement loué soit l'éternel. Loué soit l'éternel. Alors, messieurs, cet élu écologiste là allemand, j'ai vu sa tête. Alors, je ne savais pas qu'il était possible. Techniquement, ça devait l'être, mais je n'avais jamais vu une femme à demi-chauve. C'est la première fois que je vois ça. Hein, Frère Tuck. C'est ça, c'est... Voilà, donc une élue écolo-communiste du Bundestag, voilà, à moitié chauve, donc, qui dit, bon, bah écoutez, si vous n'avez pas envie que vos gamins finissent sous des trains, somme toute... Faites attention aux rails, hein. Voilà. Oui, mais ça rappelle aussi ce cloporte femelle écolo-germanique rappelle quand même quelque chose qui s'est passé à Paris il y a quelque temps. Rappelez-vous l'élargissement des trottoirs. Ah oui, oui. Oui, qui ont été élargis d'ailleurs. Ils ont élargi ? Pardon ? Ils ont élargi les trottoirs ? Il me semble qu'ils ont élargi les trottoirs. Je ne sais pas si les ont élargi, mais je me demande si c'était pas encore un écolo qui avait eu cette idée lumineuse. Mais c'était qui avait ça C'était De Haas. Caroline De Haas. Caroline De Haas. C'est folle. Elle est folle à lier, celle-là. Bah déjà, elle a les cheveux particulièrement courts de manière. Enfin, oui. Ouais, à cheveux courts, de manière ostentatoire comme ça, c'est signe d'une folie certaine. Toutes lesbiennes, d'ailleurs. Quant au singe érythréen qui a poussé le gosse et sa mère sur le train, il faut quand même rappeler que le type était recherché en Suisse parce que soupçonné de meurtre. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. D'ailleurs, on l'a retrouvé sur une photographie, dans un document faisant la promotion de la bonne intégration des migrants dans la société suisse. Exactement, voilà. Ouais. Alors, faites confiance à la propagande officielle. Voilà, faites confiance. Quand vous voyez un gentil nègre qui sourit en levant des cartons, en soulevant des cartons, c'est quelqu'un de confiance. Et la photo ne payait pas de mine, hein, parce que le type, c'était un nègre avec une tenue de travail. C'est quand même pas courant. Hein. Non, c'est pas courant, ouais. Alors, Fulbert, il faut comprendre qu'il y a des effets spéciaux. Hein. un nègre qui travaille, tu sais, bon... La post-production est derrière, il y a toute une ingénierie quand même. D'accord. Pause musicale les amis, on se retrouve tout de suite après. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 31. Derek, tu as une annonce positive à nous faire. Oui, écoute, une annonce, ma foi, qui m'a empli de joie, là, ces dernières minutes. Madame Bachar al-Assad, donc Asma al-Assad, a récemment communiqué sur sa maladie... que les Juifs lui avaient sournoisement infligé donc, le cancer, elle a indiqué qu'elle avait définitivement vaincu le cancer. Donc, bon, cancer du sein, c'était un cancer du sein. Cancer du sein, tout à fait. Ouais. Et voilà, donc la chose, le poison exogène a été vaincu. Donc, très bien, très bien. Chers amis, les réjouissances sont de rigueur. Hein, une nouvelle très défaite, clairement. Une nouvelle défaite symbolique pour les Juifs. Oui. Ben, oui, j'en suis très heureux. Pour le... Rappelons quand même que c'est une femme de valeur, hein, qui a été très probablement courtisée, pour trahir son mari, pour trahir son mari, bien sûr, et qui n'a eu que faire, hein, de ces influences néfastes. Donc, ma foi, oui, c'est assez extraordinaire, donc saluons-le. Oui, c'est un bon exemple ce que tu dis, c'est-à-dire d'avoir une femme qui, dans des conditions extrêmement brutales, puisqu'il faut quand même avoir une idée de la bête qu'on affronte, il faut quand même comprendre que le sort d'un couple présidentiel par les Juifs, hein, c'est l'exécution la plus sauvage possible. Il faut quand même le savoir. Donc, oui, je pense que ceux qui ont des Muammar doutes... Muammar Kadhafi. Hein. Voilà, ceux qui ont des doutes peuvent voir Muammar Kadhafi, etc. Donc, une femme est vite impressionnée. Bien sûr, une femme est surveillée, mais une femme de chef de l'État est sous la surveillance, bien sûr, de l'appareil de sécurité. Mais bon, il faut quand même l'observer... dans des situations difficiles, elle est quand même restée égale à elle-même. Il faut bien reconnaître que c'était très difficile pendant presque une décennie. Hein. Oui, oui, ben avec des moments où vraiment. Et quand on dit très difficile, quand on dit très difficile, c'est pas. C'est pas. Voilà, hein, c'est pas le petit truc. Bon, t'as eu ton pays qui se fait démembrer. Oui, puis t'allais à un moment donné, t'avais l'État islamique aux portes de la capitale. Bien sûr. Hein, donc, voilà. Bon. Ouais, donc c'est une chose. Non, voilà. Moi je suis. Note positive, très bien. Note positive, très heureux. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, elle a été suivie par des médecins russes, hein, si je ne m'abuse. Donc je profite pour remercier le président Poutine aussi. Oui. Alors, mes amis. Commençons cette deuxième partie d'émission après ce moment de joie par Fait méconnu. Fait méconnu. J'aime bien cette rubrique. Alors, le coût de l'Amérique noire. Voilà une question qu'elle est bonne, comme disait Coluche. Le coût de l'Amérique noire. Vous ne savez pas combien coûte au contribuable blanc un nègre en Amérique. Eh bien, on peut le savoir grâce au budget fédéral, qui est riche d'une multitude de détails, y compris à caractère racial. Et à la différence de la France, où dans cette grande démocratie égalitaire, fraternelle et libérale, vous ne savez pas où va votre pognon. En Amérique, on le sait, et on le sait au dollar près. Alors, je vous lis la chose. Si vous êtes... l'origine, c'est le site unz.com, qui est une revue de presse, et je vais même vous donner le nom de l'auteur, c'est Paul Kersey. Voilà. Alors, si vous êtes un Américain de race blanche, au cours de votre vie, le gouvernement fédéral transférera en moyenne et en votre nom 384 109 dollars de votre patrimoine et de votre revenu à une seule personne de race noire. Les chiffres étant basé sur le budget fédéral de 2014. Il ne doit pas y avoir grande différence depuis. Selon les données donc tirées de ce budget fédéral de 2014, la moyenne annuelle des impôts nets prestations se répartit comme suit. Pour les blancs, moins 2795 dollars. Pour les noirs, plus 10 016 dollars. Donc entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, les blancs perdent 2795 dollars en moyenne, et les Noirs gagnent plus 10 016 dollars en moyenne. Au cours d'une durée de vie moyenne de 79 ans, un Blanc contribue pour un montant net de 220 805 dollars au système, donc c'est ce qu'il rapporte, hein, à l'État fédéral, tandis qu'un noir reçoit un montant net de, accrochez-vous bien, 751 200 dollars au cours d'une durée de vie moyenne de 75 ans. La diversité coûte cher, continue l'article. Vous comprenez maintenant pourquoi vous n'aurez pas beaucoup d'héritage à léguer à vos enfants. Vous croyez vraiment que ça en vaut la peine? Et puis, ces conservateurs naturels du Sud, alors là, ils parlent, le texte parle en fait, vous savez, du Parti républicain qui essaye de courtiser les hispaniques. Comme ils disent, donc les conservateurs du Sud disent, les hispaniques vont sûrement améliorer la situation. Après tout, l'immigration aide l'économie. Eh bien, pas tant que ça. Un hispanique va bénéficier de l'aide fédérale pour la somme de 7 298 dollars par an. En fait, comme il y a plus d'hispaniques aux États-Unis que de noirs, les hispaniques sont déjà représentent déjà une perte beaucoup plus grande pour l'économie. De l'ordre de... Là, ça fait quand même mal aux yeux... pratiquement 412 milliards de dollars. Oh vache. Eh oui, ça fait beaucoup, oui, ça fait beaucoup. Alors, je vous ai donné quelques chiffres, là. Qu'est-ce que vous pensez, donc, de cette dette qui s'accumule aux États-Unis? Y aurait-il un lien? J'ai envie de dire, et en France, hein? Oui, oui, parce c'est vraiment que... Parce qu'aux États-Unis, le système social existe. Mais il est moins généreux qu'en France, n'est-ce pas? Il n'y a pas voilà. Le système social est beaucoup moins généreux. Tu as le fait que le dollar est une monnaie de réserve, donc ils peuvent faire un petit peu. Bon, ils font leur truc. Mais oui, la France, putain, la sécurité sociale, quoi. Rien que les nègres qui vont au docteur tout le temps pour prendre du. Enfin, faut voir, quoi. Les pharmacies, ce sont des usines à envoyer des médicaments en Afrique, quoi. C'est ça. Hein. Il faut s'en rendre compte. Hein. Enfin, moi, j'avais un médecin traitant, paix à son âme, le pauvre a été tourmenté par le fait de devoir délivrer des ordonnances aux nègres, quoi. C'est le type. Mmh. Dès qu'on arrivait, il voyait des blancs. C'est des blancs. Il nous gardait pendant une heure, il nous racontait tous ses malheurs, le pauvre. Hein. Ouais. Et c'est genre des espèces de mouquets voilés qui arrivaient pour demander des arrêts de travail pour un type qui venait même pas, quoi. Hein. C'est le type qui faisait des gâches, quoi. Ça, c'est... Bon, il demandait des médocs en tout genre. Ça arrive. En Afrique, tu as des médicaments payés par la sécurité sociale française. Hein. C'est une continuité de l'administration coloniale. Hein. C'est ça. C'est ça. La francophonie. D'autant qu'en plus, quand ces gens sont des chrétiens, tout à fait. Ah oui, oui. Hein? Jésus. Jésus. Alors donc, pour en revenir aux États-Unis, donc voilà, hein, je répète, hein, un blanc contribue lors de sa vie, contribue nettement au budget fédéral américain, donc en fait, au budget national, si vous voulez, de l'État, pour la somme donc de 220 000 dollars. Et un nègre va coûter 750 000 dollars au système. Voilà. Et le pire dans tout ça, ou le meilleur, c'est vous qui voyez, c'est que donc le nègre, le blanc est saigné à blanc précisément pour nourrir le nègre, qui le remercie comment? En lui crachant à la gueule à longueur d'année par tous les moyens possibles. C'est quand même fabuleux. C'est sur les réseaux sociaux, dans les films, dans la musique, avec leur rap immonde, avec l'aide évidemment cynique des juifs. Hein. Donc c'est ça, c'est-à-dire que plus le blanc paye des sommes mirobolantes pour ses nègres, indolents et inutiles, qui sont un poids, enfin, qui espèce de sangsue qui dévitalise l'Amérique, n'est-ce pas? 40 millions de nègres qui ont un niveau de vie incroyable par comparaison avec tous les autres endroits où les nègres sont livrés à eux-mêmes, quoi. Ah, ce sont les rois du pétrole, mais enfin, ouais, c'est les rois du pétrole. Ces nègres ont en même temps tort de se priver. Les blancs demandent à se faire flageller, si tu veux, bon. Bah oui. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne leur taper sur la nuque. Hein. C'est ça. C'est connu que plus on accepte le chantage et plus il faudra raquer. Donc, on en revient à ce qu'on disait dans la première partie, sur le premier courrier des lecteurs. Voilà, c'est ça. Tant que les blancs veulent, c'est-à-dire que c'est même pas qu'ils bon, ils se font taper dessus, puis bon, ça arrive comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui cherchent. Ils cherchent la merde, quoi. Ils cherchent à se faire dessus par des nègres. C'est problématique. C'est très problématique. Surtout au niveau... Alors là, il y a un phénomène intéressant, parce que vous savez, il y a des gens qui disent enfin, que les hispaniques ils travaillent, etc. Machin. Et là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Hein. On voit que les hispaniques, en raison de leur masse, parce qu'ils sont maintenant aussi nombreux que les nègres, voire plus nombreux que les nègres, et ils ont vocation, si les courbes démographiques restent ce qu'elles sont, hein, mais de cesse de croître. Et on voit que si elles coûtent un peu moins cher en moyenne que le nègre, elle coûte quand même l'équivalent de 75% de ce que coûte un nègre au budget fédéral. Donc en fait, c'est une masse énorme de viande qui pompe la richesse des Américains. Oui, parce qu'en fait, le nègre a été globalement maîtrisé aux États-Unis par oui, le au plan démographique. Crack, ouais. Oui, c'est-à-dire ça reste, bon, c'est le même, c'est 13% de la population, 50% des crimes commis. Bon, c'est un invariant, une constante, c'est pas la constante de Planck, mais c'est la constante du nègre, hein, c'est ça. Mais bon, oui, les latinos, ça coûte cher, si ça coûte cher, ça commet moins de crimes, mais ça en commet quand même que le nègre. Et oui... C'est sur la durée, c'est le danger le plus immédiat pour la population blanche américaine. Hein, parce que on l'a dit, le nègre, tout virulent qu'il soit, tout nègre qu'il soit, tout criminel qu'il soit, hein, au niveau démographique, il est maîtrisé. Il est maîtrisé actuellement, ouais. Enfin voilà, c'était ce que je voulais apporter à la connaissance de nos auditeurs, qui peuvent peut-être se livrer à certaines extrapolations vis-à-vis de la France. Je pense qu'en France, c'est bien, bien pire. Bien, bien pire. Entre nous, soit dit. Mais bon, ça va pas empêcher Macron de dérembourser des médicaments. Et qu'est-ce qu'on attend pour mettre fin au pillage de l'Afrique? C'est ça, je vous pose la question. C'est ça. Je dis qu'est-ce qu'on attend pour abolir la sécurité sociale? Enfin, bon, ça, c'est la vraie question qui se posent les Blancs. Oui. Moi qui suis un blanc en bonne santé, qui n'ai pas de carte vitale depuis maintenant une douzaine d'années, écoute, ma foi, écoute, j'en ai marre de payer pour ces connards, hein, que ce soit pour les nègres, les vieux et les infirmes, ça. Stop, j'en peux plus. Alors, comment dire, vous saurez à qui penser, à quoi penser, à quel chiffre penser quand vous verrez ce gros nègre sodomite qui représente le cran, Louis Négretin, venir à la télé exiger l'ouverture du dossier des réparations liées à l'esclavage. Voilà, ne peut... Il y a une forte pensée. La France répare tous les jours l'anecdotique traite à laquelle elle a participé. Hein. Parce que c'est anecdotique, et d'ailleurs... Oui, c'est... Comment dirais-je, ce sont les nègres qui devraient s'excuser d'avoir participé à leur propre réduction en esclavage. Oui. Déjà, oui, non, oui, mais déjà d'une part, et deuxièmement, pour les conséquences ignobles que leur présence a infligées à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud, car partout où le nègre fout le pied, il détruit. Non, mais déjà, le nègre devrait, oui, les Africains, hein, d'Afrique, devraient s'excuser d'avoir... D'exister. D'avoir propagé le bacille. Le bacille nègre. Jusque dans les Caraïbes ou jusqu'aux Amériques ou même jusqu'aux océans indiens, hein. Nous avons des occurrences de nègres jusqu'en Île-de-France. Oui. C'est le vrai crime de l'Occident d'avoir ventilé du nègre sur l'ensemble du monde. Non, mais écoute, il faut qu'on fasse culpabiliser les nègres de nous avoir vendu leurs frères, quoi. Moi, c'est ça. Je veux bien qu'on fasse culpabiliser les gens pour l'esclavage, enfin les gens. Les juifs. Les juifs aussi. Oui, non, parce que les juifs là, ils sont discrets, mais attendez, excusez-moi, mais quand on parle de Bordeaux. Dans le commun. Oui, il y a des gens qui ont vendu des esclaves. Oui, dans le commerce triangulaire, il y a des gens qui vendent, des gens qui achètent, il y a des gens qui sont intermédiaires, voilà. Il y a des gens qui ont été dans la Troisième République très influents et qui ont leurs descendants qui sont toujours là à venir nous péter les burnes, hein, excusez-moi du mot, des Mendes France par exemple sur Bordeaux, hein, oui, c'est vrai. Avec des nez, le type tombe par terre et il te pète des lattes de plancher, quoi, c'est impressionnant. Hein. Ah moi quand je vois un nez comme ça, j'ai peur. Hein. Ah, des nez, des oreilles. Oh là là là. Alors, messieurs, on va parler maintenant du thème de la semaine, musique. Alors, il y a un texte qui a été publié sur notre site qui a fait un petit peu œuvre de pédagogie sur l'état de la musique populaire en France auprès des plus jeunes. Un panorama sur la base des meilleures ventes, me semble-t-il, si j'ai bien lu, sur les meilleures ventes en streaming, hein. Téléchargement donc en ligne, donc quels sont les artistes entre guillemets les plus populaires, et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. J'ignorais l'existence de certains d'entre eux, j'ignorais surtout l'ampleur du phénomène, c'est-à-dire du phénomène de négrification absolument hallucinant de ce qu'écoute la jeunesse française. Là par là j'entends bien sûr la jeunesse en général, mais que ce soit la jeunesse halogène ou la jeunesse blanche, je pars du principe aujourd'hui que la jeunesse de moins de 20 ans a peu ou prou, est composée peu ou prou d'un tiers de métèques et de deux tiers de blancs. Voilà, bon. Chacun a ses estimations, mais voilà. Et donc, les blancs comme les halogènes sont exposés à une musique absolument ignoble. Et il y a eu des évolutions significatives ces 20 dernières années, c'est indéniable. Et je vous propose de faire un peu le tour du propriétaire, si vous voulez, pour mesurer le désastre. D'ailleurs, on va insérer des extraits, des clips dont on parle. On va pas s'attarder sur les clips en question, pas vraiment en tant que tel, mais on peut les commenter à l'occasion. Une petite introduction, j'ai pas envie de prendre vos réactions avant qu'on parcourt ça en détail. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce top 20, donc le top 20 des meilleures ventes en streaming en France en juillet 2019? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, marqué? Alors écoute, moi qui malheureusement dois, via mes collègues, écouter la radio, et qui me la tape de temps à autre, que ce soit en voiture ou à la salle de sport, enfin bon. De toute manière, je suis obligé de m'y confronter. Ce qui m'a le plus choqué, c'est une gonzesse blonde, beige, qui s'appelle Angèle. Ah, oui. Alors là, enfin avec un discours féministe assez radical, forcément une nana laide, hein, relativement jolie. Mais alors, avec de la merde dans la tête. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, parce que malheureusement, la musique nègre, ça fait déjà au moins 5-6 ans qu'on se la tape quotidiennement. Avec, tu sais, la rythmique syncopée, tu sais, ternaire typiquement nègre, tu sais, la rythmique zouk love, en fait. Hein, c'est, la rythmique, c'est tam, tadam, tam, tam, tu vois, c'est que ça. Ce qui dénote complètement avec, avec le rock qui est beaucoup plus binaire. Mm-hmm. Ça fait 10 ans que c'est la norme, que ce soit en boîte de nuit ou évidemment dans les radios à la con, Energy, Skyrock et compagnie. Oui, Skyrock a fortiori. De toute façon, on va passer en revue en détail, hein, donc pour mesurer, donc c'est sur le top 20. Mais d'accord. Mais donc, tu as Maréchal Nouveau là qui est encore plus binaire. Hein, C'est-à-dire. Ouais, c'est moins. Ah, Maréchal Nouveau, là, c'est très binaire comme musique. Hein. Très entraînant. Maréchal, oui. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Un, deux. Fulbert aussi, peut-être, a un avis, à quelque chose qui l'aurait marqué plus que le reste. Alors, je sais qu'il y a une question générationnelle, là aussi, qui se pose, hein, c'est sûr, mais... Eh bien, non, parce que... je n'écoute pas les parades, je suis complètement déconnecté de ce genre de choses, et de la musique moderne. J'écoute la radio, j'écoute la musique, hein, faut pas croire, mais bon, moi j'écoute les radios internet qui me permettent de choisir ou du blues ou autre chose, peu importe, du classique, n'importe quoi. Mais je ne vais jamais sur le hip-hop, le R&B et des conneries comme ça, ou du rap, tu vois. Mais pour un peu revenir à ce que disait MacDav, tu as cité Angèle, MacDav, mais Angèle, c'est une petite princesse. C'est une fille de, déjà, d'un chanteur belge nommé Marca, que je ne connais pas plus que ça, ce qui veut dire qu'il est très connu, et d'une comédienne qui a été, Laurence Bibot, qui a aussi été présentatrice à la télévision publique belge, si je ne m'abuse, ou sur RTL, je ne suis plus très sûr. De plus, elle a un frère, qui est un rappeur, qui s'appelle Romeo Elvis, qui paraît-il est très connu. Bon, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais entendu, ce couillon. Enfin, voilà. Donc tout ça pour vous dire que moi je suis complètement déconnecté de cette question, alors ne m'en veuillez pas. Oh non, t'en veux pas du tout, Fulmer, bien sûr. Au contraire. Bah oui, parce qu'en fait, oui, toi tu fais ces sessions et c'est mieux comme ça, c'est sûr. Alors messieurs, je vous propose de commencer. Alors vous allez voir, en fait, c'est le caractère de plus en plus monolithique de ce qui est produit, de ce qui est vendu, et de ce qui rencontre un réel succès en termes de vente. Hein. Vous allez voir qu'au final, la créativité, l'originalité, la créativité se réduit progressivement, au point presque de disparaître. Et donc on a finalement une production assez homogène qui émerge progressivement, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans en arrière, hein. Notamment sur les grandes radios, etc., où il y avait... C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a de la musique nègre sur les ondes. C'est évident, hein. Oui. C'est évident. Je veux dire, Michael Jackson, etc. Bon. Mais il y avait beaucoup de musique blanche, notamment de la pop, etc. Je dis pas que c'était de la bonne pop, mais il y avait de la pop rock, des trucs comme ça. Ça oui, existait. Même quand c'était de la musique nègre, hein, c'est-à-dire très rythmée, de manière binaire. C'était moins marqué que ce que ça l'est maintenant. Oui, voilà. Ouais. On est dans quelque chose qui est... c'est caricature. Enfin, oui, ça confine à la caricature. Ouais, parce que bon, la musique populaire européenne, elle a été influencée par, on va dire, le gospel et le blues, qui est quand même issu des musiques nègres. Alors les Blancs, ils ont mis leurs pattes. Mais tu peux pas non plus nier l'influence, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on se tape actuellement. Alors, le premier titre du numéro 20, donc, c'est un truc assez banal, c'est Ozuna, qui est un nègre, hein, voilà. Et c'est une musique de l'été, etc. Ça s'appelle Baila, Baila, Baila. Bon. On danse, danse, danse, voilà, bon. En fait, rien d'extraordinaire en soi, mais la thématique, elle donne déjà le ton. Donc, je vais juste vous proposer d'écouter un petit extrait, juste pour goûter. Mais c'est plus un one shot, en fait, c'est plus un produit de l'été qu'autre chose, mais ça donne bien le ton. Pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción. Y baila, baila, baila. Numéro 19, je vous propose d'écouter un extrait. Nino, la vie qu'on mène. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Imkus, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en crête. Pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, ben je disparaîtrai comme Houdini. Alors je vous lis quand même. Quelques lyrics, hein, parce que je veux dire, vous allez voir que la créativité est au rendez-vous. Hein. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en Crète, pas très loin de Malia. Elle est chargée sous le maillot, le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, bah je disparaîtrai comme Houdini. Original. Bon. Je trouve que les rimes sont très bien faites. Ouais, c'est on bien sent fait. Vraiment l'influence de la poésie française. Je pense que ce type aurait dû finir à jeune grand-mère. Ouais, c'est à crête, maillot, dîner ou dîner. Les rimes. Bah, en fait, c'est l'histoire d'un nègre. Il dit, ouais, bon, si je trouve une meuf qui est meilleure que toi, je me casse. Ouais, j'ai chargé sous le maillot. C'est quoi? C'est sa bagnole ou c'est la gonzesse qui s'est coffrée pour transporter de la drogue? Ouais, je pense que c'est plutôt que... Pff, à mon avis, elle est chargée sous le maillot, ça veut dire qu'elle a des gros nichons, quoi. Je pense que c'est... Ah bah, je pense que ah, c'est... Sous le maillot, ouais. Non, moi, je pensais que t'étais nul. Sous le maillot, cher ami, sous le maillot. Bah oui, sous le maillot, oui. Bah oui, sous le maillot, oui. Aïe, il y a une licence poétique, hein. Je sais pas, enfin bon... Il y a études de négrologie à... Bon. C'est ça. Non, mais là, il faudrait faire, l'analyse de texte. Alors, bon, donc là, retenez bien ce nom-là, c'est Nino, voilà. Le nom est espagnol. Et portugais, pour le plus clair. Et dans le clip, on le voit, il est sur une route américaine aux États-Unis. Donc, vous voyez, les références sont déjà là. C'est, si vous voulez, on est dans l'univers du gangsta rap US, trafic de dope, etc. Bon, on est quand même en Île-de-France, mais voilà, il y a quand même une bonne grosse dose de mythomanie. Voilà, et je vous ai donné un extrait du contenu. Bon, c'est, voilà. Donc, Nino, retenez bien le, parce que vous allez le voir réapparaître par la suite. Titre 18. Alors là, c'est américain. Ça s'appelle Bad Guy de Billie Eilish. C'est une blanche. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to my soul. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas du tout représentatif de ce qui se propose. Si ce n'est que c'est avec Angèle dont t'as parlé. C'est la seule blanche du top 20. C'est la seule blanche du top 20. Ah. Angèle, on va en parler plus tard. Hein. Mais c'est la seule blanche du top 20 et c'est de la musique de blanc sous Prozac. Quoi. Ouais. C'est. Ouais, ouais, enfin, sous Prozac, sous. Sous produit. Ouais, sous produit, c'est-à-dire que ça c'est du blanc chimique, quoi. Hein. Ouais. Bah, moi, connaissais. J'avais déjà vu cette nana parce que bon. Des camarades à moi, apparemment, sont assez fans de la bestiole. Ah ouais. Mais bon, là, je découvre cette sale bête avec ses yeux de camé. C'est un voix mort, quoi. C'est terrible. Hein. Bah, voilà. Ouais, justement, elle a un peu la gueule d'une nana qui est défoncée aux opiacés, justement. Ah, ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a été choisie pour ça. C'est le sirop codéine. Hein. Et alors les cheveux verts, oh là là, mais quel est cet ignoble mode des cheveux verts et bleus chez les gonzesses. Non mais oh. c'est vraiment... ça fout le mal. Elle fait jeune, si tu veux. Non mais ouais, elle a ça, c'est-à-dire qu'elle elle a une gueule de jeune fille, tu vois. Bon, ça va marcher encore 3-4 ans, ça. Dans 5 ans, elle n'existe plus, cette nana. Dans 5 ans, elle sera morte. Elle, oui. Ça sera la troisième OD, quoi, tu vois, donc... Bon. Mais bref. Ouais. Là, elle marche parce qu'elle a un visage. Non, mais elle marche par rapport à ça. Elle a des grands yeux bleus. Elle est très blanche. Elle est relativement jolie. Mais bon, par contre, elle a une gueule de camé, quoi. Là, dans c'est ce que je veux dire. Ça essaye de. Ça prétend receler de l'énergie. Quand t'écoutes, tu vois, il y a un beat. Et quand tu vois la gueule de la nana, quand tu vois ses paroles, elle a, tu vois, c'est dévitalisé totalement. Et en fait, ça traduit parfaitement ce que produit ce type de cam, ou le mélange de ce type de cam, c'est à la fois t'as un truc qui te speed, mais mélangé avec des trucs qui t'abrutissent, du style trop de shit, ou d'autres produits, quoi. Et en fait, t'as le double phénomène. Mais c'est vraiment de la musique de camé fait pour les camés, ça. Ouais. Ah, et tu sais, il y a un effet, le son, la basse, il y a beaucoup de sustain, enfin, je dirais pas d'écho, mais le son en fait va décroître au niveau de la rythmique, et ça c'est typique de cette musique de type sous codéine. Tu vois, t'entends en fait la rythmique qui est assez forte, qui est très basse au niveau des fréquences, elle redescend comme ça, tu vois. Et ça, en fait, ça crée un effet de décélération un peu du rythme cardiaque. Et c'est vraiment de la musique de drogué, en fait. C'est vraiment l'influence de la codéine. Là, ouais, la codéine ou le shit en autodose, quoi. C'est pareil, hein. Ouais, tout à fait. Alors, ça n'a rien à voir avec la transe qui, elle, va te faire pulser les... Enfin, pulser, te faire battre les pulsations cardiaques à très haute fréquence. Non, c'est autre chose qu'il recherchait. J'invite, hein, puisqu'on y est, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, des fans de Billie Eilish, à se manifester dans le chat. À réviser leur jugement, peut-être, je sais pas. Manifestez-vous, dénoncez-vous. Dénoncez-vous. Alors, mais en fait, ce qui peut accrocher certains, en fait, c'est le côté blanc. Parce qu'en fait... Côté blanc et belle blanche. C'est sous cam, oui, mais ça reste blanc. C'est-à-dire qu'un jeune blanc ou une jeune blanche peut quand même retrouver des marqueurs culturels blancs. Je veux dire, peut-être dans le ton de la voix, etc. Voilà, bon, c'est un truc de camé, mais ça reste blanc. On va poursuivre hein, sur les autres ventes. C'est-à-dire que dans un océan de production africaine, c'est les derniers petits trucs qui surnagent, et effectivement, c'est pour les camés. Mais on peut comprendre, simplement par effet d'élimination, le fait que, voilà, bon, bah oui, tiens, j'ai entendu ça, oui, pourquoi pas, voilà. Titre 17. Elle pleut de Nekfeu. Fluo, les yeux sur un écran jusqu'à avoir fluo. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte. Plongé au confluent des époques, j'ai jamais voulu m'y faire. Elle pleut. Tu me fais défier les lois du sommeil. Me retourner la nuit au point d'enlever les lattes du sommier. Le bruit des feuilles mortes qui rayent le trottoir. Mon reflet dans cette flaque, mais je peux plus me voir, ça me rappelle trop toi. Quand on se croisait chaque matin dans les transports. Le premier sourire avant que tout se mette à dériver. La première blague complice, la première fois qu'on s'est griffé. Quand je te regardais dormir et que j'écrivais. D'où sors-tu, ta douceur tu. D'où sors-tu, ta douceur tu. D'où sors-tu, ta douceur tu. Alors Nekfeu retenait aussi bien son nom. Alors lui, il est, ça fait pas d'aujourd'hui hein, qu'il tourne. Alors je peux pas distinguer ça des autres groupes de. Je distingue pas. C'est du rap, mais je peux pas vous dire voilà, c'est du rap. C'est un mec qui fait du bruit de fond. Bon voilà, donc retenez juste le nom, c'est tout. Le titre suivant, alors... C'est un gitan, je crois, c'est ça? Je sais pas, il a une tête, je sais pas ce que c'est, ça. Il me semblait que c'était un gitan, je ne sais pas. J'attends des précisions dans le chat, encore une fois. Bon, enfin, ça n'a rien d'original, voilà, mais bon, Nekfeu. Alors, le titre suivant, on est en 16, là. Alors, ce titre, il a beaucoup tourné. C'est PNL. Et ODD. Et c'est le clip où il est sur la tour Eiffel. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trou de poulette. Je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître. Ni toi, ni ces fils de pute. Alors, ce titre-là tranche un peu avec le rap d'un mec comme Nekfeu qui finalement n'apporte rien en 30 ans de scène musicale hip-hop en France, hein, je veux dire, honnêtement. Là, il y a une innovation, c'est l'introduction d'un peu d'électro. Pas sur du rap, parce qu'on voit que c'est pas du rap au sens strict, mais il y a une forme de rap, mais il y a de la musique électro. Ce qui va permettre, en fait, d'atteindre un nouveau public, et un public blanc. Mais quand vous écoutez, il y a aussi de l'autotune, vous savez, là, qui modifie un peu la voix, et ça ressemble un peu au chant islamique. Est-ce que vous l'avez observé, ça? Des nachides du voilà, Hezbollah. Voilà, il y a bon, un côté un peu... Moi, je préfère les nachides du Hezbollah. Non, pas le Hezbollah. Non. Il y a des nachides de tous les styles, mais lui, ça, c'est les sunnites. Donc lui, ce serait les nachides du califat. Mais il y a ce côté féminin, géniard qu'on retrouve dans les nachides, même écœurant. Je dois dire que les nachides sont assez écœurants en général. Ils sont très féminins. C'est des chants qui sont très féminins. Ah. القدس من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer simplement pour ceux qui savent pas ce que c'est les Nashides? Ouais, bon, ce sont des chants religieux islamiques, mais enfin Gandalf. Pour le combat, quoi. Voilà. Oui, mais le côté génial de la musique méditerranéenne, ça n'est pas exclusivement réservé aux Nashides islamiques. Bien sûr que non. La complainte corse, c'est pareil. Tout ce qui tourne autour de la Méditerranée, tu as cette dimension de se plaindre un petit peu, de pleurer. Bon, tu as l'Espagne, l'Italie, la Corse, tout ce qui est Méditerranée, tu as cette culture-là, quoi. Enfin, cette culture, entre guillemets, hein. Mais l'alarme, disons, ce déterminisme. Quoi. Ouais, l'alarme. Ouais. Alors, bon, dans les textes qu'ils utilisent, on parle de trou de boulette, on entend fils de pute. Bon, ça, c'est les marqueurs du hip-hop, du rap. Hein. Donc, vous voyez, hein, on est quand même à la jonction de plusieurs choses. Donc, les textes restent marqués par, en fait, le parler quotidien, donc le sabir en usage donc dans les banlieues ethniquement sinistrées d'Île-de-France et d'ailleurs. On met de l'électro pour rafraîchir, adoucir un peu l'aspect peut-être pour gommer un peu les aspérités justement trop brutales des sons qu'on trouve habituellement en provenance de banlieue. Et le côté, vraiment, j'insiste, avec l'autotune, le côté un peu géniard du chant islamique. Si vous mélangez ça, vous allez pouvoir toucher inconsciemment différents publics. D'accord ? Vous allez pouvoir toucher des blancs avec le côté électro, vous allez pouvoir toucher un public musulman et un public plus nègre, avec les paroles un peu plus brutales, et aussi beaucoup de putes. Car qu'est-ce que vous avez entendu là, c'est, enfin, excusez-moi de le dire, hein, c'est un texte d'amour. Oui, non, mais c'est même marrant parce que ils sont dépressifs, les mecs. Ouais. Ils sont blasés. On a l'impression qu'ils ont tout vu, tout fait, alors qu'ils... Enfin, je sais pas, ils doivent avoir 25 ans. Je pense que le public qui écoute ça doit avoir en majorité moins de 20 ans. Ils sont blasés par la vie. On a l'impression qu'ils ont tout vu, tout fait. Ils sont des vétérans du front de l'Est qui ont 20 années de guerre derrière eux. Et il y a un côté dépressif et en même temps agressif qui est... Ça, c'est assez ridicule. Dans le clip, on le voit, il a quand même réussi à privatiser la Tour Eiffel, excusez du peu, donc c'est vous dire à quel point ces gens bénéficient. Non, mais quand on dit que c'est de la promotion agressive de la sous-production ethnique des banlieues françaises, c'est pas rien de le dire. Je veux dire, pour privatiser la Tour Eiffel, pour un clip, il faut l'autorisation de l'État français, d'accord ? L'État français ne met pas à disposition de n'importe quel protagoniste de la scène musicale la Tour Eiffel, vous comprenez, c'est une validation symbolique par les autorités de cette production. Donc il y a quoi derrière ? Il y a l'idée de promouvoir vraiment des métèques de banlieue à haut niveau, d'espèce de cooptation par les autorités de ces types-là. Et quand vous le regardez, il est assis sur la Tour Eiffel dans des positions assez improbables, le mec fume des joints. Et il y a le côté un peu fracassé, tu vois, du fumeur de joints, qui aurait peut-être consommé d'autres trucs d'ailleurs, mais il a ce côté-là qui est traduit dans le son, mais tu le vois aussi dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est un parti pris assumé de mettre en scène non seulement la consommation de dope, quoi, mais le caractère abrutissant de la consommation de dope, qui va te donner ce que tu as dit, c'est le caractère un peu blasé, usé, fatigué, un peu en descente, hein. Un peu en descente chez les usagers de dope. Donc, je ne serais pas aussi étonné que les titres soient produits, c'est même très probable, soient produits pour les phases d'usage de cam. D'accord ? C'est-à-dire que si vous démarchez un public qui consomme de la cam, mais qui consomme, par exemple, beaucoup de shit, et qui sont en soirée, je ne sais pas quoi, mais pas une soirée très agitée, une soirée plus tranquille, etc. Vous avez des gens là, ils sont voilà, ils ont fumé un pétard, mais ils sont déjà un peu en voilà, ils atterrissent un petit peu. Voilà, allez, on va mettre du PNL. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va, on va pas mettre du beat, on va mettre du PNL. Ça va bercer un peu tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très insidieux quand même. Hein. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou je passe au titre 16, au titre 15, pardon. Alors, okay. Moi, je t'avoue quand même que les nègres avec les cheveux longs, enfin les nègres, les bougnous avec les cheveux longs. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je pensais pas que la mode Bilal Hassani était aussi en vue chez les rappeurs. Je savais pas. Alors, titre 15, là, on va aux États-Unis, mais d'ailleurs, c'est pas n'importe quel États-Unis. Donc, toujours, je précise bien, hein, titre 15, c'est au prorata des ventes et de la popularité. Shawn Mendes. Donc c'est marqué dessus, c'est de la latina, on est sur de l'hispanique, hispanique américaine. Je vous propose juste d'écouter un petit extrait pour que vous goûtiez, sachiez à quoi sont aussi exposés les Américains, mais ce qui se vend très bien en France. Vous avez vu, on avait commencé d'ailleurs avec le titre Baila, Baila, Baila, qui était un peu un titre de l'été de circonstance, et qui était chanté par un nègre, mais qui reprenait, qui commençait déjà sur un ton hispanique. Hein. Donc il y avait bien le côté nègre, le côté hispanique. Alors là, c'est une chanteuse hispanique. Le clip, vite fait, parce que pour ceux qui ne peuvent pas voir la mise en scène, c'est en fait c'est une hispanique qui est serveuse dans un petit restaurant dans un état du sud des États-Unis, et elle voit un motard, de type a priori blanc, peut-être un petit peu hispanique. Oui, blanc entre gros guillemets, ça. Ouais, blanc du sud. Ouais, voilà, blanc, méditerranéen, mais pas franchement hispanique du tout. Hein. Donc on voit qu'ils essayent de démarcher quand même un public plutôt blanc, et donc la scène, c'est ça, en fait, c'est, elle a un aspect un peu sérieux au boulot avec sa tenue. Elle regarde le mec et ensuite il y a la chorégraphie quand elle chante et c'est une énorme pute quoi. Ouais, énorme pute. Et ça donne le son que vous entendez. J'aime quand tu m'appelles señorita quoi. J'aime quand tu m'appelles mademoiselle. Voilà. Du coup, j'ai une question. C'est pourquoi ce genre de. Alors là, parce que la fille chante vraiment comme une prostituée. Hein. Même dans le son, quoi, hein, c'est quand même très agressif, c'est très suggestif, c'est quand même assez agressif, c'est très sexuellement chargé. Question, pourquoi ça marche en France, ça? Notez bien, hein, pourquoi ça marche en France? Parce que nous sommes un pays d'Afrique de l'Ouest. Non mais la question est posée, je veux dire. Pourquoi une nana chante en espagnol? Pourquoi ça cartonne? La question est ouverte, hein, je dis pas qu'on a la réponse, mais je veux quand même la poser, quoi. D'accord? Quand vous avez vu ce qu'on a eu avant ça. En tout cas, vous l'aurez noté. En tout cas, la question, je la pose, mais la langue espagnole est présente, hein. Ouais, ça fait plusieurs années, si tu veux. Ça remonte à 25 ans, ça, qu'il y a de l'espagnol surtout l'été. Cher ami, tu es très magnanime là-dessus. Ça remonte déjà à Julio Iglesias. Il y a plus de 30 ans. Ouais. Et déjà, je me rappelle même, il y a 10-15 ans, où tu avais son fiston qui était venu faire des chansons. Et Julio Iglesias, ses chansons étaient toujours très suggestives. Ah oui, très suggestives. Et tu avais son piston, Enrique, qui semble-t-il, je crois qu'il est doté d'un micro-pénis, le pauvre. Hein, je ne savais pas ça. Oui, les choses arrivent, hein, il fait des chansons, le pauvre. Et tu vois, bon, tu as cette race là d'hispaniques à tête de chimpanzé à moitié humain qui font des chansons en parlant lentement et que ça s'appelait aux femmes, paraît-il. Ouais. Alors, Stommy Bugsy, qu'on ne présente plus, hein, oui. Vétéran du ministère amer, était un admirateur de Julio Iglesias. Français. Grand admirateur de Julio Iglesias. Ouais, ben, ouais, ça m'étonne. Pourquoi ? À cause des femmes. Parce que Julio Iglesias était un baiser invétéré. Hein. Voilà. Bon, mais j'enfonce une porte ouverte, mais voilà. Donc t'as raison de pointer ce truc-là. Mais sinon, je veux dire, tous les clubs, les trucs de l'été, la Macarena et tous ces trucs, j'ai rappelé de ces trucs-là. C'est... Oui, tu en as plein. Il y en a plein. Chaque année, tu as tes 3 ou 4 musiques hispaniques qui viennent te casser les couilles. Et notez bien, c'est beaucoup plus hispanique qu'italien, par exemple. Ça pourrait être du chant italien, après tout. Il n'y a rien d'italien. Les Italiens, tu as 3-4 chansons depuis 25 ans, c'est toujours les mêmes. Hein. Andrea Bocelli, Caruso, et puis voilà, La Solitudine, puis bon, ça bouge pas. L'Italie, ça reste très, très hermétique pour le coup. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont leur comment te dire, ils ont leur dose de nègre, hein, c'est possible. Mais en tout cas, au niveau de l'exportation, ils n'exportent pas de nègre puisque nous n'en voyons pas. Tout à fait. Alors, titre numéro 14. Toujours dans la même veine, mais là, adressé cette fois-ci à une clientèle féminine, Calma, et c'est chanté par Pedro. Ça s'invente pas. Un extrait, et on Pedro retrouve. Capo. Entre tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa. Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla y me gusta, lento y contento, okay. Alors, comment dire? Bon, Pedro, là, bah, c'est un peu la suite de Julio Iglesias, hein, comme on le disait. Sauf qu'il a une manière de chanter là, qui fait quand même très bisexuelle. Ouais, c'est quand même très low cost par. Mais sa démarche de clientèle, là. Tu sais pas trop s'il démarche les femmes ou les hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Je déteste les Espagnols assez cordialement, si tu veux. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Première chose, j'ai pas dit que Julio Iglesias chantait pour les hommes. Je te dis que ce type-là, le Pedro machin là, sa chanson là, tu ne peux pas dire si ce type-là chante pour les femmes ou pour les hommes, c'est-à-dire pour les PD. Ah, alors cher ami, je suis absolument d'accord avec toi. Cet individu se teint les cheveux en blond. Tout à fait. Et en scène avec une femme, mais c'est très ambigu. On revient toujours sur la langue espagnole, machin. Oui. Oui, la langue espagnole est en général très couplée au rythme nègre. Hein. Oui. Et cette manie de se décolorer les tifs. Et là encore une fois. Alors il y a le gros plan, le mec la tête penchée, etc. C'est le chanteur de charme de tête de gondole à Leclerc. C'est quand même c'est quand même. Donc c'est quand même assez diffusé les femmes aiment. Sachez-le, les femmes françaises les femmes françaises. MacDav, t'as eu un petit extrait. Alors je sais que toi c'est une autre planète. Tu sais, moi déjà, pour moi, tout ce qui est en dessous de la Loire, je sais, c'est l'Europe. Géographiquement, c'est l'Europe. Indubitablement. Oui. Ces derniers temps, de toute façon, les frontières deviennent très floues puisqu'on se retrouve avec des enclaves africaines. J'en ai vu encore récemment dans le nord de l'Angleterre. C'est incroyable. J'ai vu l'Orient. J'ai des critères très très arbitraires. Mmh. Et j'aimerais insister quand même sur les types sur les hommes qui se teignent les cheveux, tu vois. Ouais. Oui. Voilà, je veux dire, un mec qui se teint les cheveux en blond, Et ça mérite déjà la chambre à gaz. Voilà. Donc, bah, Jean-Marie Le Pen, il se teignait les cheveux en blanc. Ah bon? Ouais, dans les années 80. Bah, oui. Oui, bah écoute. Oui. Bon, pas de la même pas. Façon. Bah, chambre à gaz quand même. Chambre à gaz quand même, amalgame. Tu n'aimes vraiment pas les gens qui se décolorent les cheveux, je vois. Non, mais si perçois, mais... t'es blond naturellement, et tant mieux pour toi. Regarde, tu... qu'est-ce que c'est que cette idée de se tarnir les cheveux, quoi, putain. C'est complètement dégueulasse. Surtout qu'en plus, tu sais d'où ça vient, le blond vénitien, hein. C'est les dégénérés de Venise qui trempaient leurs cheveux dans de la pisse, hein. À la base, la teinture blonde s'obtenait comme ça. C'est... Bon, voilà. C'est une pratique. Alors, le titre numéro 13, on va pas s'arrêter dessus, mais juste pour, comme on en a parlé, hein, c'est Nino encore. Hein, Nino. Maman ne le sait pas. Et bon, ça vaut pas le coup qu'on s'arrête, mais c'est encore la même chose. Histoire de deal. Histoire de deal, voilà. Des nègres parlent de deal et de leur négresse de mère. Voilà. C'est la vérité. À minuit pile, j'ai fermé leur hanté. J'ai fait ce qu'il fallait pas. À double clé, je suis propriétaire. J'ai les clés de la cité. Et dans la vie, je revends le cannabis. Maman ne le sait pas. Brigade, crime organisé. À minuit pile, je refermé leur hanté. Je faisais ce qu'il fallait pas. À double clé, je suis propriétaire. J'ai les clés de la cité. Ils veulent nous ralentir. Stopper le trafic, on est cramé dans les bails chico, on est cramé dans les bails chico. Tout pour la gagne comme au classico, je suis trop cramé, je n'ai plus de bigo. Je côtoie les vieux méchants loups, les boucles frais qui n'ont plus de chico. Là, je suis avec 4 chicas, j'ai mis le plan dans le Cayenne S, Baigo, validé, Balmain rempli d'espèces. Là, ils comprennent pas ce qui se passe, on a fait danser leur fumeux. Nouveau Camus, nouvelle villa, nouvelle pétasse, comme ça tout est venu. Je crois pas que c'est fini. Bon, numéro 13, titre 12. Ah, Magdab, c'est pour toi. Angèle, balance ton quoi? Alors, le clip a été réalisé, je me dois quand même de le noter, par Charlotte Abramoff. Une goyim, et, non? Il chante comme ça, en Russie? Une goya. Abramoff. C'est russe, non? Ah, ça va, oui, russe. Russe bizarre. Poutine, oui, c'est russe. Poutine. Alors, sur... C'est sibérien, quoi. Alors, c'est quand même un produit d'appel, parce que sur sa couverture, elle montre ses aisselles et les poils de ses aisselles. Non rasés. Ah, voilà. C'est terrible. Non, mais je veux dire, donc, en plus, je veux dire, c'est malhonnête. Pourquoi? C'est clairement du démarchage... Enfin, c'est marketé, ce truc-là. C'est-à-dire que, voilà, ça s'adresse, sociologiquement, comme produit, ça s'adresse à la pétasse de centre-ville... rattrapé par les vidéos YouTube de connasses comme Antastasia qui veut être branché en soirée et qui va te montrer ses poils. Voilà, c'est ça la cible, le cœur de cible de la gondette. Je vais quand même proposer une écoute rapide pour qu'on sache de quoi on parle et ensuite je vais essayer de maîtriser MacDav. Ça va être difficile. Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. On a eu un extrait donc d'Angèle. Magda nous en a parlé au début. Alors, bon, dans son clip, là, elle est dans un jardin, ça reprend un peu les compositions du XVIIIe siècle, vous savez, Fragonard, voilà, donc elle est assez apprêtée avec une robe et tout. Elle est assise, elle nous regarde face caméra, et elle a sa voix, je dois dire, qui tire un peu quand même sur la beurette, on sent qu'il y a un effort dans cette direction-là. Un peu avec un timbre de voix aussi qui est un peu travaillé par le tabac, indubitablement, et ça a l'air d'être recherché. Elle tient un chat dans ses bras, en fait, une chatte, qui est bien évidemment une allusion au sexe féminin, c'est évident. Ouais, elle dit, c'est pas un sphinx, hein, c'est une chatte poilue. C'est une chatte poilue, et elle dit, voilà, je ne suis pas qu'un animal, en vrai, je ne suis pas qu'un objet, je suis blablabla. Bref, qui veut... Alors écoute, moi je me suis farci son clip. Et quand le truc est passé, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette bourgeoise, vraiment, dire, bon, on l'a déjà dit, dire sociologiquement, c'est de la petite bourgeoise, hein. Vraiment née avec... Oui, de gauche, enfin, pléonasme, quoi, tu me diras. Et son clip, c'est montre à la fois une école, on va rééduquer les hommes, évidemment, des hommes blancs. Évidemment, cisgenre, hétérosexuel, et tout team. Et en plus de l'école qui vise à rééduquer les hommes, tu as un tribunal. Donc il faut juger et éduquer. Enfin non, c'est-à-dire rééduquer, quoi. Rééduquer l'homme blanc. Et tout son clip de merde reprend mais tous les poncifs totalement fous, les différences de salaire entre les hommes et les femmes, le consentement, le slut-shaming, on va te montrer une actrice porno, enfin, toutes les théories féministes de merde. Et en plus de ça, elle a le culot de dire que cette chanson est bien trop engagée, bien trop subversive pour pouvoir passer à la radio. Donc on l'entend dans son truc, je ne passerai pas à la radio. Alors mes couilles, j'entends oui, ça, bah, ouais. À chaque fois que j'entends ça, je change de chaîne dans ma bagnole. Et en plus de ça, elle a fait 37 millions de vues sur sa chaîne. Mais en combien de temps sur ce site? Sale pute. Depuis le 15 avril, donc ça fait un peu moins de 4 mois, quoi. Ça fait 3 mois et demi. Ça c'est, tourne. Je veux dire, pour un... C'est le monde francophone. C'est plus que pas mal. Tu vois, donc les brigands, des compagnies, TV Liberté et autres, ils sont en train de fanfaronner parce qu'ils pensent qu'avec leurs chiffres, ils sont en train de renverser la balance. Oui, ils ont 12 000 vues. Oui, je veux dire, c'est une question d'échelle, quoi. On joue pas du tout dans la même catégorie. Oui, les moyens sont pas les mêmes. T'as un acteur, tu sais, c'est Pierre Niney. C'est le je crois que c'est sale fiotte, sale pédé. Ouais, c'est le type qui a joué Émile Ajar là dans qui a fait l'adaptation du roman de Romain Gary. Il a joué aussi Yves Saint Laurent, cette sale fiotte. Oui, Chabagal. Oui, et le type se ridiculise en faisant le chevalier blanc. En gros, c'est une fiotte qui valide les féministes, oui. Ouais, c'est étonnant. Et qui est censé incarner... Comme c'est original, c'est très original. Et qui est censé incarner l'hétérosexuel, c'est ça? Oui, tout à fait. Hein. Donc l'hétérosexuel qui valide l'hétérosexuel... Shlomo, sors de ton mur. Non, en l'occurrence, c'est Abramoff. Abramoff, oui. Pardon. Bah, l'hétérosexuel blanc intéressé par les femmes ou quoi. Voilà. Non, mais c'est assez révélateur. Oui, Charlotte Abramoff, à qui on doit ce magnifique clip, la mise en scène, la scénarisation. Elle a une grosse tête de youpin hein, quand même. Hein. Ouf. Alors, les gars, les types qui penseraient que, après tout, bah voilà, elle fait sa soupe. Bon, effectivement, elle a le réseau pour. Mais que finalement, c'est pas la peine d'écouter si on n'a pas envie d'écouter. Et parce que on ne la financerait pas, les gars, les artistes maintenant ne vivent plus avec les ventes d'albums, parce que ça s'est effondré. Et puis parce que malgré tout, faire un album, ça coûte assez cher. Ce qui est rentable, c'est les droits SACEM, que vous allez payer quand vous allez boire une bière au café du coin. Indirectement, mais c'est vous qui payez. Ouais. Et puis, surtout, les festivals. Parce que le cachet des artistes s'est envolé. Ouais. Tous ces festivals sont grassement subventionnés. Ouais. C'est des cachets très importants. Et c'est qui paye. C'est pas les types qui vont aller voir ces concerts de merde qui sont souvent gratuits parce que subventionnés. C'est le contribuable. Donc, oui, en fait, moi, ça me dérange. On paye pour ces merdes. On a typiquement là le cas d'artistes d'État. Ah, parfaitement. Mais ce sont des artistes d'État, ce sont des propagandistes d'État, bien sûr. C'est ça, tout à fait. Donc il y a un microcosme. Alors, petit numéro 11, on revient sur Nekfeu. Ah, ça m'a fait marrer, ça. Ah. Alors, dans l'univers, je vais pas mettre d'extrait. Alors, la thématique est vraiment la puissante. Donc, en gros, il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, ça fait beaucoup de monde. C'est... Ouais, ça... Non, pas plus que ça. Ça fait quand même beaucoup de nègres, moi, je trouve. Je pense que les gens ne sont pas de cet avis. Bon, bah, bon, écoutez, déception de ma part. Petite numéro 10, ah oui, très connu. Vas-y, Hubert, ouais. Ouais, j'avais juste une petite parenthèse à faire à propos de Charlotte Abramoff. Ouais, ouais. Je lis sur Wikipédia. Elle travaille ensuite sur un projet de livre autour de son père, Maurice, qui a survécu à... L'indicible. Un cancer, c'est raté. Non mais vu l'âge, c'est pas possible. Non mais vu l'âge, ça devrait être son grand-père qui aurait survécu à l'indicible. Elle a survécu à quoi? À un cancer. Oh merde, putain, salope. Oui, mais Asma al-Assad a survécu aussi, hein, donc... Oui, non, mais elle a survécu aussi. On mène, rassure-toi. Oui. Alors, titre numéro 10, les gars. Très connu, hein. Très, très merdique aussi. C'est Jules. Avec un titre qui s'appelle... Non, alors Jules, non. Attends. Jules, non. Featuring El Niño. El Niño, voilà. Niño. Donc, on en a eu trois. Il y a déjà deux titres de Niño là sur les 10 que je viens de dire. Entre 10 et 20, il y a deux titres de Niño déjà. Et le dixième, donc, où c'est Jules. C'est un nègre. C'est featuring Niño. Et alors, c'est Tell Me. On reviendra sur Jules sur un autre titre, vous allez voir, il y a une mise en scène qui est intéressante. Le son en question, le Tell Me est vide. Oui. Alors, titre numéro 9. Alors là, on revient aux États-Unis, ou plus exactement, les États-Unis reviennent en France, avec un blanc. Okay. Ouais. Donc voilà, vous avez remarqué que les blancs qu'on a eus, c'était une camée, dont on a parlé, Angèle, voilà, mais qui cartonne hein, chez les pétas, c'est incroyable. Et le titre neuf, là, comme j'ai dit, c'est Ed Sheeran. Vous connaissez ce mec-là? Alors, lui, il chante comme seuls les blancs sont autorisés à chanter, c'est-à-dire, on écoute et on se retrouve. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Alors les gars, Ed Sheeran. Qu'est-ce que vous voulez me dire de ce rouquin qui chante d'une manière tout à fait particulière? Eh bien, je voudrais d'abord te dire œstrogène, tout d'abord. Oui. Oui. Ce rouquin sans âme se fait des clips, s'agite comme une pétasse. Je vois Justine Bieber, là. Je vois le clip en même temps, en direct. Bon, pourquoi pas, écoute. Rouquinisme, homosexualité. Ouais, tu veux dire qu'il y a aucune énergie. Aucune énergie, il n'y a pas d'énergie. Aucune énergie. On passe en revue les clips pour bien que vous voyez à peu près ce qui se dégage comme archétype. Hein. Donc, vous avez vu, les nègres, c'est clair, c'est virilité, violence, trafic de dope. Les femmes sont des femmes objets, c'est assumé dans un des clips là de. Je crois que c'était de Niño ou d'un autre, les gonzesses, voilà, elles sont en bikini sur la plage, voilà, c'est un objet, quand j'en ai marre, je me casse, etc. Bon, en gros, les bagnoles, l'oseille, la violence, ça c'est assumé, c'est les nègres, ça énerve tout le truc. quand vous avez des blancs, c'est des blanches, majoritairement, on en a parlé, je vais pas y revenir. Et quand vous avez un chanteur blanc, pas d'énergie, clairement un chant très féminin, mais aussi très marqué, si vous avez remarqué, excusez-moi de la redondance, par le chant R&B des négresses. Vous avez remarqué ça ? Oui. Oui. Le rythme à la conne, ouais. Le rythme de merde. Moi, quand j'ai écouté ça à l'aveugle, ça m'a fait penser à la fiotte de Justin Timberlake, je crois. Ah, aussi. Ouais. C'est exactement la même tessiture de voix, c'est le même timbre. Et je trouve ça très asexué, en fait, cette musique. Androgyne, tu vois. Ouais, oui. C'est... Le mec a le charisme d'un tampon usagé. C'est bon, c'est exactement ça. C'est que moi, bon, j'ai des goûts musicaux assez particuliers, si tu veux. Bien que tant d'extrême droite assez marqué, il m'arrive d'apprécier du genre Brassens. C'est sudiste, c'est de 7 du sud-ouest, enfin, du sud en tout cas. J'apprécie, tu vois. Mais alors ça, mais du Ed Sheeran, ces conneries comme ça, ce n'est pas supportable. Alors, je vous propose de passer au titre numéro 8. Vous allez voir que là, il y a une convergence. Parce qu'en fait, une fois qu'on a les ingrédients de base, en fait, il suffit de doser en fonction de ce qu'on veut faire et de qui on vise. Là, c'est Daddy Yankee de Con Calma. Je vous propose simplement de regarder... d'écouter brièvement, parce que vous allez voir deux choses qui se manifestent. Messieurs, ça c'est numéro 8 en streaming en France en juillet 2019, donc ça marche très bien. Le son est très espagnol, d'accord ? Il y a un rythme assez dynamique. Nègre, là il y a l'énergie, c'est clairement étudié pour faire bouger en boîte de nuit. Si vous faites, alors malheureusement nos auditeurs ne peuvent pas voir le clip, mais le clip lui tranche un peu avec le chant. Parce que, si je peux peut-être donner la parole à nos intervenants, mais disons que c'est de la chorégraphie tribale africaine, on peut le dire. Hein. C'est ça, hein. C'est vraiment des groupes de filles très négrifiées, très très négrifiées. Il y a des latinos, mais il y a aussi beaucoup de négresses. Elles sont en groupe, et ça ressemble vraiment aux danses africaines. Hein. C'est des danses de groupe lancinantes, mais sur du chant hispanique. Alors, je prends vos réactions vite fait. Alors, voilà. Hein, c'est tout à fait ce que dit Henri de Lesquin. La musique nègre est une musique faisant appel aux pulsions sexuelles. Titre numéro 7. Là, on va pas faire écouter parce qu'on avait déjà fait écouter ça dans une émission précédente, mais c'est Pookie de Aya Nakamura, qui, comme vous le savez, est une japonaise. Oui, c'est un nègre. Oui, c'est un homme déjà, pour commencer. Donc ça se passe à Fontainebleau, vous savez, donc vous avez vu ça. Très brutal aussi. Titre numéro 6. Alors juste un truc, ouais. je pense qu'il faudrait faire la comparaison du taux de testostérone d'Aya Nakamura et de Ed Sheeran, pour savoir qui... J'ai mon petit avis sur la question. Le rouquin se fait écraser... À mon avis, si tu veux, il y a plus de testostérone dans la seule cuisse d'Aya Nakamura que dans tout le corps de Ed Sheeran, à mon avis. Hein. Je vais juste faire observer un point, ça fait le lien avec PNL. Remarquez qu'on a mis à sa disposition pour son clip le palais de Fontainebleau. Là encore... Oui, non, mais le nègre adore la dorure. C'est évident. Mais je veux dire, les pouvoirs publics, encore une fois, sont présents. Oui, tout à fait. Alors, parce que non, mais l'idée, non, comme ouais, les Noirs sont persécutés, les Arabes, le racisme d'État. Non, La musique, on parlait d'artistes d'État, de promotion. Donnez-moi le ministère des Affaires raciales. Je vous montrerai, chers amis, ce qu'il en est du racisme d'État. Oui. J'ai pas compris, elle chante en quelle langue, Yana Kamura. Cher Magdave, il s'avère que c'est du François. Alors, titre numéro 6. C'est un certain Niska. Alors là, on est en pleine Afrique. Hein. Ça s'appelle... C'est un nègre. Le clip s'appelle Médicament. Je vais quand même le faire écouter à nos auditeurs brièvement pour qu'ils sachent de quoi on parle. Alors, très original, hein. C'est l'histoire d'un nègre au bord d'une piscine avec des négresses. Avec de l'autotune. Avec de l'autotune. On écoute. Original. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Chacun, c'est la. Jeter mon club, mademoiselle veut faire la loi. Elle est restée plantée à attendre que je demande pardon. J'ai sauté sur mon cheval, la chicha ne s'allume pas son charbon. Alors, notre titre numéro 5, c'est Jules qui revient avec JVCD. Alors, ça, c'est un clip qui a fait 20 millions de vues. JCVD. 20 millions de vues. Alors, le clip, on peut le décrire un peu. C'est du son de merde. Je vais juste faire écouter quand même nos auditeurs pour qu'ils aient s'ils connaissent pas, quoi. Nanana, et je déconne, nanana. J'ai que je vous étonne, nanana. Encore un album, nanana. Je suis plus dans la zone, nanana. Je me suis taillé, nanana. Nicole à sol, nanana. Je m'en vais, ça y est, nanana. Pochon dans le sac des chocs. T'inquiète pour poser, chocs. Voilà, alors, bon, grosso alors, modo, hein. Oui, vas-y, tu peux commenter ouais, le clip moi, aussi, si tu veux. Non, alors, bon. Il a une tête de gitan, un peu, ce mec-là. Je trouve qu'il oui, voilà, tu as cette espèce de gitan de 1m80 et quelques, qui se filme en train d'être gitan, d'ailleurs, ça va être sa grosse gueule de gitan, et qui fait de la musique de nègre. De nègre bas de gamme, hein. Bon. Moi qui suis un négologue, bon, oui. Je connais les nègres, hein. Eh bien là, écoutez, chers amis, c'est du nègre, ce n'est pas quelque chose d'efficient, ça n'a aucun sens. Okay. Alors, là encore, ça cible de manière assez précise un type de sociologie, on le voit faire de la trottinette, donc clairement, on n'est pas sur un public rural, oui. Hein. On est quand même... Non, clairement pas. Non, voilà. On est sur... Rappelons, cher Gandalf, que à Marseille, parce que oui. C'est de là que, oui, enfin, c'est là que cette engeance démoniaque de Jules a posé ses valises, ce gitan de merde. Oui, à Marseille, les trottinettes électriques finissent dans le port, ce qui, ma foi, n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ma foi, une mauvaise, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis. Oui, non, moi je suis. Oui, les Arabes sur trottinettes électroniques. Oui, c'est quoi ce qu'on. Il n'y a qu'en France qu'on crée des concepts comme ça. Des Arabes sur des trottinettes électriques. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, cher Gandalf, je t'apprendrai que. Nous aurons bientôt. Des nègres. Des nègres intersidéraux. J'ai une question, moi. Question quiz. Des Français. des compatriotes français. Alors, titre numéro 4. Nekfeu, tricheur. Bon, on revient encore sur le truc. Alors là, pour le coup, ils ont fait venir un rappeur nègre, Damso. Bon. Oui, Nekfeu, qui n'est pas un nègre, c'est un gitan, je crois. Oui, c'est un gitan, voilà. Voilà. Donc il y a un nègre dans l'affaire. Bon, voilà, je passe. Titre numéro 3. Anecdote, avant de passer à la suivante. Ouais. Damso, c'est un nègre. Belge, oserais-je dire. Et lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde l'année passée, 2018, il y a des ahuris à la Fédération du football de Belgique, qui ont eu l'idée, comme ça se faisait habituellement, mais de façon naturelle, il y a des gens qui composaient des petites chansons en ballante pour suivre les Diables Rouges, équipe nationale belge de football. Et il y a des ahuris donc à la Fédération qui ont eu l'idée, eh ben, on va nous-mêmes s'occuper d'un, eh ben voilà, d'un hymne pour l'équipe de football. Et qui ont-ils récupéré? Ils ont récupéré Damso, qui a sorti évidemment un rap merdique, ras des chiottes. Et les autres abrutis, là, ben, ils ont eu une très mauvaise idée. Ils ont demandé aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Damso, etc. Ça a été un rejet généralisé. Ils ont dû balayer Damso. Ah, intéressant, ça, je l'ignorais. Ça se trouve sur Internet. Alors, titre numéro 3, DJ Snake pour Loco Contigo. Ah, vous allez voir, c'est très original. On écoute et on se retrouve. Mami, tú eres una champion, rampa pa pam pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama. Un espèce de rythme de rap avec de l'espagnol. On se rapproche du podium, hein. Donc c'est la médaille d'argent. On est d'accord, hein, médaille d'argent, clip numéro 2. Ça va à VG Dream, je connaissais pas, pour ce titre qui s'appelle « Elle est bonne, sa mère ». Alors, on peut écouter, surtout que pour l'occasion, il a invité... Un artiste. Elle est bonne, sa mère. Divers de whisky coca, talon aigu, elle remplit parfaitement son jean. Pour la serrer, pour faire chauffer la Mastercard. Elle contrôle tous les réseaux, de toute façon y'a pas de raison de l'approcher si tu ne dépenses pas. Elle veut Rolex, pas la Casio, elle connaît le physio, son boule c'est l'effet d'un attentat. Elle est bonne, sa mère, sur la vie de ma mère, 10 000 pour elle c'est passé. Donc c'est des nègres, de l'autotune. Alors, ça. C'est le numéro 2 du streaming en France en juillet 2019. C'est le numéro 2. C'est le numéro 2, ça. Ok ? Le vainqueur américain, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais probablement que si, c'est Lil Nas pour la bande originale du film Old Town Road. C'est un cowboy nègre. Je vous propose d'écouter ça. Oui. Is attached, head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. Alors messieurs, bon, on a fait quand même un travail là, on a passé quand même en revue 20 titres qui nous donnent les grandes tendances qui marchent chez les plus jeunes, parce que le streaming c'est les plus jeunes. Évidemment, il peut y avoir un aspect un peu faussé, puisque peut-être qu'il y a plus de nègres de banlieue, d'arabes de banlieue qui téléchargent, ça prétend pas être... exact au détail près, mais il y a quand même des tendances qui se dessinent de toute façon. Alors, très clairement, dans la musique entre guillemets pop, populaire, le rock pop, on oublie, la pop tout court, on oublie, l'électronique, on oublie, hein, électro, tout ça, ça n'existe plus, techno, oublié, du nègre, de l'espagnol, du nègre. Ouais, c'est ça, Les seuls blancs à être autorisés sont les féministes débiles. Ouais, ou des pédales dévitalisées, voilà. C'est... Ouais, les machins hispaniques, bon, là, dans le top 1, tu as Billy Ray Cyrus, qui est le père de Miley Ray Cyrus. Ouais, qui est totalement destroy, ouais. Ouais, ouais, c'est... Alors, mais notez bien, il y a un truc qui est vraiment frappant, je veux dire. Vous ne retrouvez pas les grandes têtes de gondole qui existent par ailleurs comme Taylor Swift, etc. Vous ne les trouvez pas là. Fini. C'est-à-dire que Taylor Swift, qui d'ailleurs, juste pour parler de celle-là, juste Taylor Swift, donc qui n'est pas dans ce top 20 du streaming en France, mais qui a évidemment, il y a quand même des, voilà, quand même un certain succès en France, mais je veux dire pas au point de la clientèle dont on a parlé, au point d'atteindre la clientèle dont on a parlé. Cette fille-là, dans son dernier clip, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de la propagande LGBT. Il y a des trans. Il y a des travelots dans son dernier clip. Donc, c'est un point intéressant, parce qu'on a vu ça avec Angèle. Et en fait, notez bien, l'idéologie n'est injectée dans les clips que en direction des populations blanches. C'est frappant. Oui. C'est-à-dire que vous prenez Taylor Swift... On va vous mettre de la LGBT, du travloïsme, promotion de la sodomie, machin, tout ça c'est cool. Voilà, c'est son dernier clip, voilà. Vous prenez la production nègre, non. C'est du rythme, du bruit, des nègres dominateurs et agressifs qui sont entre eux. Notez bien, ils sont entre eux dans les clips de nègres. Il n'y a pas de blanc, c'est pas cosmopolite, c'est que des nègres entre eux. Et les gonzesses sont rigoureusement soumises et sont exclusivement des objets sexuels. Et il n'y a évidemment pas de PD. On a déjà eu un auditeur qui nous demandait pourquoi on n'entendait plus de rock, voire même de rock metal dans les supermarchés. Bah, c'est en grande partie parce que tout ça devient un petit peu une niche. Bien sûr qu'il y a toujours des jeunes qui écoutent cette musique. Enfin, le Hellfest est un succès en France. Je pense que c'est ça doit être le plus gros festival de France. Ouais, on est plus gros. Les places se vendent en 2 heures alors que l'affiche n'est même pas complète, donc il y a un public qui est là, et il y a toujours des jeunes qui écoutent cette musique, hein. Il suffit de se trimballer dans la rue, on voit des jeunes avec des t-shirts Megadeth ou Metallica, ils ont 20 ans, quoi, même pas, 20, 15 ans, donc cette musique, elle existe toujours, mais il faut aller la chercher, soit sur des web radios un peu spécialisées, ou alors tu l'écoutes via du streaming, en fait, ou via du téléchargement. Ouais. Tu te crées ton propre algorithme YouTube. Enfin, mais malgré tout, moi quand je vois les chiffres des compteurs YouTube, ouais, je me dis que malgré tout, la musique dominante, c'est celle-ci. C'est Angèle. Alors il y a un type qui n'est pas dans le top 20, c'est Edith Preto, j'ai découvert ça, j'étais sur le cul. C'est un rouquin également. Ah, c'est une sale fiotte, belge. C'est une sale fiotte rouquine. Oui, parce que quand j'ai vu ça, j'ai envie de sortir mon Luger et mes binons de napalm. Le truc absolument ignoble. Et oui, dans les quelques radios généralistes qui existent encore, on n'a que ça. On a de la musique négrifiée, on a toujours la même rythmique. C'est le, comme je vous l'ai dit là, le Zouk Love, hein, cette musique très syncopée avec une basse qui est très très appuyée. Qui joue en arrière, c'est-à-dire qu'il y a un effet de décélération qui est vraiment typique. On n'entend plus que ça. C'est alors, absolument y avait, dégueulasse. On avait une sorte de on va dire dans la décennie 2010, fin de la décennie 2000-2010 et milieu de la décennie 2010, c'est-à-dire jusqu'en 2015, on a eu des espèces d'objets qui prenait la suite des chanteurs à texte un peu plus installés des années 80-90, type qui reprenait du slam ou du hip-hop, c'est-à-dire type Grand Corps Malade et ces merdes là, qui étaient absolument, c'était absolument ignoble. Je préfère encore, je préfère Nino qui écoutait un truc comme Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, c'est me torturer le, parce qu'il y a une prétention intellectuelle, une prétention poétique qui n'existe pas en réalité. C'est de la merde. Oui, non mais je pense que c'est pas, ça touche pas les mêmes publics. Ah, pas du tout, non. Grand Corps Malade, c'est vraiment un public de blancs. Ouais, mais de blancs négrifiés déjà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça a été un petit peu. il représente une charnière en fait. Mais c'est, je pense que les jeunes Grand Corps Malade ils s'en foutent quoi. En fait c'est les profs qui écoutent Grand Corps Malade. Tu vois. Bah maintenant ouais, je comme pense, ils écoutent comme ils écoutent Vincent Delerme ou compagnie. Non non. Regarde les scores, je veux dire des nègres francophones. C'est absolument délirant, tu vois, c'est des centaines de millions de vues. Mais je veux dire, imagine, il y a un problème, parce que là, en fait, on peut aller vers le plus fondamental et on conclura notre discussion là-dessus, mais dans les années 90, pour donner un point de repère pour nos auditeurs, surtout les plus jeunes, ceux qui sont un peu plus âgés comprendront ce dont je veux parler. Dans les années 90, il y avait encore un combat, je veux dire, à armes égales, en France, entre les blancs qui écoutaient, en gros, du heavy metal, du hard rock, voire du metal un peu plus tard, et les bougnoules et les nègres qui écoutaient du rap. Donc il y avait quand même un rapport de force dans la jeunesse qui a permis quand même à des blancs d'aller vers de la musique. Alors, je dis pas que c'est la panacée, hein. Je dis pas que le hard rock ou le rock, bon, bah, il puise dans le blues, donc il y a une partie nègre. Je vais pas dire que c'est de la musique nègre, parce que là, il y a des débats, d'ailleurs, hein, sur à quel point les blancs ont vraiment transformé le rock, etc. Donc je vais pas m'y arrêter, mais je dis simplement que les blancs avaient une musique dont ils ont réussi à s'emparer et qui plaisait à la jeunesse et qui était créative. Et il y avait des tas de groupes, il y en a encore, quoi, des tas de groupes de métal, de trucs, ça existe, je veux dire, il y a une scène métal, etc., ça existe, c'est présent. Mais le rapport de force, aujourd'hui, n'a plus rien à voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métal, il n'est pas présent sur les grandes radios françaises, et ça veut tout dire, à la fois parce qu'il y a une volonté de marginalisation, on prête pas Fontainebleau ni la Tour Eiffel à des groupes de métal, vous avez remarqué, hein. Donc il y a une exposition volontaire, la subvention dans les concerts, même les concerts de variété. Donc dans les festivals où on fait venir des trucs un peu plus généralistes, on voit ce qui est poussé, mis en avant. Bon, là encore, le métal, voilà. À tel point, donc, comme tu l'as bien dit, hein, ils ont dû faire un festival spécial pour que le métal ait une place. Alors que les chanteurs de rap, etc., ils ont des concerts spéciaux rap ou hip-hop, etc. Mais en plus, ils sont invités partout ailleurs. Ils sont invités sur des radios généralistes, sur des concerts, etc., dans des villes. Enfin, ils sont invités partout, quoi. Ceux qui aiment le métal, ils sont obligés d'aller carrément d'organiser vraiment des événements spéciaux parce que autrement, ils n'ont pas de visibilité. Très, très difficilement, quoi. Il y a une communauté. Tu vois, il y a une communauté qui est très active où les types, vu que, en fait, la frontière entre les musiciens et les passionnés, elle est beaucoup plus fine, tu vois, les types, ont créé une sorte de réseau fermé, de marché fermé, qui s'auto-alimente. Et les types, ils ont la possibilité d'être totalement indépendants. Ils sont même devenus totalement indépendants au niveau de la production musicale. Tu vois, par exemple, à une époque, les gros groupes de métal étaient sur des labels généralistes. Maintenant, ça n'existe plus, tu vois. Tout ça se fait dans un réseau interne et c'est un réseau qui est indépendant. Donc il n'a pas besoin des subventions d'État pour survivre. Le Hellfest, je crois que c'est 1 500 € de subvention. Ouais, ils ont zéro subvention. Ouais, mais ça leur donne une très grande liberté de programmation. Ouais, bah c'est clair. Alors attention, hein, t'as des grosses machines de métal, plutôt à l'étranger, des types qui brassent des millions, Non, mais en fait, il suffit de voir. Je vais prendre un autre exemple. Metallica. Ouais. Le tarif des billets de Metallica est devenu inaccessible pour les petits blancs. Ouais. Parce que ils ont un public qui s'est très embourgeoisé et qui est capable de débourser 150, 200, 250 euros pour une place de concert en France. Ouais. Donc tu vois, ça a éloigné les petits blancs du truc. Donc en fait, t'as les deux, tu vois. T'as le underground, où t'as des groupes qui tournent avec trois bouts de ficelle et beaucoup de bénévoles dans les bars, et puis le très très très haut, où t'as des super groupes qui sont millionnaires, quoi. Mais entre les deux, t'as pas d'artistes subventionnés ou d'État. En France, ils ont essayé de le faire. C'est pour ça que pendant très longtemps, on a eu des groupes d'extrême gauche de métal. Toute la clique Massisteria et compagnie, ce sont des gauchistes radicaux. Black Bomba et trucs comme ça aussi. C'est absolument ignoble. Que des types avec très peu de talent, mais qui ont bénéficié des réseaux des MJC et compagnie. Ouais. Ça n'a pas pris parce qu'ils étaient mauvais, en fait. Tout simplement. Ils étaient mauvais. Et le gros groupe de métal qui a fonctionné ces dernières années, français, c'était Gojira. Alors eux sont gauchistes également, mais c'est plus subtil, en fait. Ils sont écolos. Donc ça a marché comme ça. Alors, comment dire en France, bon, ça, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises dans l'émission, mais en gros, le truc a été décidé au niveau politique et par Skyrock et Bélanger, le juif Bélanger, hein, faut rappeler son rôle, où là, on a mis Skyrock, d'une radio rock des années 80, qui est devenue pratiquement en un an une radio de bougnoules et de nègres. Avec l'appui du Parti Socialiste et de Jack Lang et toute la bande, hein, les juifs, enfin vraiment les juifs du PS, quoi, les juifs de la gauche, qui ont promu la musique de nègre, et aujourd'hui, bah, Skyrock, c'est pour ainsi dire, je peux pas dire que c'est incontournable, parce que bon, avec YouTube, etc., quand même, les types peuvent très bien fonctionner en indépendant, mais ça reste un carrefour, on va dire, au moins symbolique, et c'est en tout cas, c'était très important, on va dire, jusqu'à la fin des années 90, d'être sur Skyrock, début des années 2000, maintenant, beaucoup, beaucoup moins avec YouTube et tout ça, mais à l'époque, ça restait important, et c'est là que ça s'est fait, l'arbitrage. Donc, là, à ce moment-là, on a dit, non, la musique officielle de la jeunesse en France, donc, je le répète, le juif Jack Lang, le juif Bélanger, ont décidé que ce serait le rap. Et le R&B. Le rap et le oui, R&B. Oui, oui. J'ai écouté une interview d'un chanteur d'un groupe de rock français qui est extrêmement gauchiste. Ouais. C'est, vous savez, c'est celui qui a une chanteuse négresse là, qui s'était fait prendre à partie par des maghrébins. Comment il s'appelle enfin, c'est du rock un peu. Ouais, j'ai oublié, ceux qui ont un singe là, comme mascotte. Putain, ouais, ça me parle pas comme ça. Chaka Punk, voilà. C'était ça. Et le mec disait oui, en fait, ce sera très difficile pour nous de continuer à passer à la radio parce que nos amis producteurs et programmateurs de radio nous ont avoué que bon, ce qui marchait, c'était le rap. Et pourtant, ces types-là font vraiment sont les porte-drapeaux d'une idéologie gauchiste et cosmopolite, même s'ils font du rock. Même pour eux, en fait, c'était pas possible de passer dans les grandes radios généralistes, alors qu'ils ont quand même été mis en avant par les médias malgré tout, notamment via les victoires de la musique ou Taratata et compagnie. Et moi, je me souviens à une époque où je lisais un peu la presse spécialisée dans le rock. Je me souviens vraiment dans les années 2010, c'est là où j'ai vraiment arrêté de lire ces conneries. Fin des années 2000, début des années 2010, je voyais tous les rockers français, entre guillemets, faire la lèche au groupe de rap. Et à une époque, c'était la mode, il fallait faire dans un album une chanson très rap. Ouais. Et vraiment, c'était quasiment un rite de passage. Et en fait, ces groupes-là n'ont pas survécu parce que c'est pas du tout ce qui a plu. Moi, je me souviens d'un groupe, alors c'est pareil, c'était No One Is Innocent, pareil, un ignoble groupe de gauchistes. Les types s'étaient fait huer. Sur une scène, dans un concert, j'étais mort de rire parce que ils avaient vraiment quelques morceaux qui étaient très très rap. Et c'était marrant parce que tu voyais les petits blancs de la France périphérique, enfin ça s'appelait pas comme ça à l'époque, qui en fait se foutaient des paroles vraiment particulièrement gauchisantes parce qu'ils aimaient c'était l'énergie du rock. Et quand il y avait un truc de rap, les types se faisaient prendre à partie, malgré tout, parce qu'ils faisaient juste pas la bonne musique, tu vois. Les mecs, les blancs, qui très certainement étaient déjà des électeurs du front, tu vois, ils s'en battent, s'en battaient les steaks que les mecs te fassent. Je sais pas si vous vous souvenez quand même, mais tous ces groupes-là ont tous fait au moins une chanson sur le second tour de 2002. Ah oui, non, mais ça c'est. Juste, c'est non, mais c'est absolument ignoble. Tous les artistes ont fait des chansons. Ils ont pratiquement été obligés. La plupart le voulaient, mais c'était presque. Si tu le fais pas, ça veut dire que t'es suspect. Tu comprends? C'était. Ah oui, oui. Non, c'était le rite de passage, quoi. Il fallait montrer patte blanche, voilà. Et faire ta chanson Antifa sur le. Sur ça, quoi. Là, il faut vraiment comprendre le truc, parce que c'est-à-dire que pour un groupe, parce que un groupe de musique, il vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein, il faut qu'il se produise, il faut qu'il ait accès au public, et évidemment, en France, ça veut dire d'avoir l'autorisation de l'État, parce que de l'État ou de toute façon des décideurs politiques, parce que quand vous allez dans les mairies, les municipalités, elles ont une couleur politique. Si vous êtes identifié comme un ennemi du système, vous ne pouvez plus en vivre. On l'a vu d'ailleurs sur un autre registre avec les humoristes. Même des humoristes quand même qui sont globalement inoffensifs, comme Jean Roucas. Quand Jean Roucas a fait savoir qu'il était proche du Rassemblement National de Marine Le Pen, excusez-moi, quoi. Pas Jean-Marie Pen des années 80, quoi. Il a été obligé d'abjurer. Il a été obligé d'abjurer, pourquoi? Il pouvait plus se produire. Donc vous avez cette espèce de... Après les mecs sont là, oui, mais la France, le pays des libertés, mon cul, c'est une république soviétique, tenue d'une main de fer par les juifs et les producteurs juifs, qui promeuvent agressivement les bougnoules, les PD et les nègres. Et si vous êtes là, vous êtes un blanc, vous voulez faire de la bonne musique pour les blancs, mais sans même être dans une démarche raciste, et vous êtes juste de la musique européenne, vous aurez de plus en plus de problèmes. À l'exception peut-être du classique, hein, de la musique classique, parce que là encore, il y a des aficionados, il y a du réseau, généralement c'est dans la haute société, et vous pouvez même trouver à gauche, même assez souvent, des mairies qui sont très heureuses d'avoir un événement de musique classique, ça fait un peu sérieux, il y a un petit côté un peu snob, et que vous pouvez retrouver même dans des grandes villes, etc. Et ça passe. Mais si vous essayez de faire de la musique populaire, blanche, donc qui attirerait un public de blanc, mais avec de l'énergie, non, il n'y aura pas une avenue, on vous attend pas. Et c'est ce que je voulais peut-être dire aussi, c'est... Quand tu compares les clips de rap des nègres, hein, tous les nègres sont, je vais pas dire virils, parce que bon, la virilité, c'est pas que ça, mais vous comprenez, voilà, ils sont mis dans une attitude agressive. Ils ont soit des armes à la main, soit les types sont entirés de type, d'autres types patibulaires. Les femmes sont soumises dans le clip, ce qui valorise évidemment symboliquement la virilité sexuelle du protagoniste nègre, etc. Vous n'avez pas d'équivalent masculin blanc. Il n'y a pas de blanc bodybuildé. Je veux dire, en France, hein, production française, il n'y a pas de blanc bodybuildé qui sont avec des nanas, machin, et qui font de la musique de blanc, etc. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, il y en a, dans les groupes de métal, etc. Vous avez des trucs assez virils, on va dire, mais vous n'avez pas ça en France. Ça dit quelque chose. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rôle modèle, comme on dit en anglais, mais il n'y a pas d'archétype valorisant pour les blancs dans la musique. Vous êtes soit un PD qui chante avec une voix de castrat et une gueule d'homosexuel, soit c'est une blanche pétée de la tête qui suit une thérapie et qui prend de la dope. Ça craint, quoi, je veux dire. Donc voilà. Alors après, je vais pas dire que c'était mieux avant, c'est un peu facile. Mais il y a une différence aussi aujourd'hui, c'est que maintenant les gens ont quand même beaucoup... Enfin, on peut échapper à la programmation imposée par le système, mais on peut pas échapper à la musique. Je veux dire, vous pouvez pas échapper à ce qui est à ce que vous trouvez dans votre supermarché. Vous pouvez pas échapper à ce qui est balancé à la radio, à votre salle de muscu. Vous pouvez pas échapper au festival. Enfin, je veux dire, si vous, par hasard, on vous traîne dans un festival, c'est pas vous qui faites la programmation, donc ça, c'est un fait. Par contre, les gens ont quand même aujourd'hui accès à des médias où ils peuvent présélectionner ce qu'ils veulent entendre. Donc, quelqu'un qui veut échapper à cette merde, il peut échapper à cette merde. Il y a quand même une facilité de choix aujourd'hui qui n'existait pas il y a 20 ans, quoi. C'est quand même... voilà, il y a une offre. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, peut-être... Le truc, c'est que ça fait énormément de casse. parce que fatalement, c'est inévitable, surtout dans une période de paix et de déliquescence, les jeunes cherchent toujours des modèles, cherchent toujours des exemples, hein. En gros, des héros, vous savez. En temps de guerre, les héros, c'est les soldats, c'est simple. Et en temps de paix, bah, c'est ce qui peut servir de pis-aller. Ça va être quelqu'un de populaire. On confond souvent l'héroïsme avec la popularité, d'ailleurs. C'est intéressant. Tout à fait. Et le modèle qui est mis en avant chez les mecs, que ce soit chez Jules, parce que je pense qu'il touche quand même beaucoup de blanc, le fameux Jules. Ouais. Ou les Eddie de Preto, ou comment il s'appelle, la Vianney et compagnie. J'ai l'impression que le modèle qui est mis en avant, c'est l'homme moyen, en fait. L'homme moyen, sans grande qualité, sans talent, absolument pas virtuose. Oui. Enfin, c'est quand même l'impression que ça me donne. Parce que bon, quand j'écoute un groupe, j'aime bien écouter un bon musicien. Forcément un musicien démonstratif qui étale des notes, mais quelqu'un qui a un toucher... Et voilà, quelqu'un qu'on on ressent son talent, c'est, pour moi ça existe. Les musiciens sont... Il n'y a rien de plus inégal que la musique, hein, parce que même en travaillant beaucoup, certains arrivent à un niveau qui est beaucoup plus avancé que d'autres. C'est comme ça, c'est injuste, mais c'est la vie. Et tout ce qui est mis en avant, c'est déjà très très moyen. En plus de ça, les productions... aseptise le tout pour en faire une soupe absolument informe. Rien ne se distingue. C'est vraiment de la soupe. C'est lisse. C'est lisse. Alors, t'as mis en avant la passion de Saint-Mathieu par Fabac. Enfin, je veux dire, c'est un autre monde. Ah oui, c'est un autre monde. Là. C'est un autre monde. C'est un peu impressionnant, je veux dire, la qualité d'écriture. Parce que la musique, c'est de la mathématique et de la physique. Hein, donc, la musique peut se rationaliser et se quantifier. D'ailleurs, les compositeurs arrivaient à écrire sans avoir un instrument à côté. Parce qu'il y a des règles qu'on apprend dans le solfège à un niveau avancé, qui fait qu'après telle note, on peut utiliser une autre note, compagnie. Ouais. Et là, en fait, j'ai l'impression que ces types, quand ils composent, ils doivent faire ça vraiment un peu à l'arrache. J'ai vu comment David Guetta faisait ses morceaux. C'était plié en une demi-heure par une forme d'empirisme. En fait, il bricolait sur un piano trois notes, il enregistrait, après il faisait encore autre chose. C'était totalement naze, il n'y avait aucune recherche. Mais vu que derrière, il y avait une production, il y avait des sons, il arrive à produire la chose, à en faire quelque chose d'élaboré, non pas du point de vue de la composition, mais du point de vue... on va dire de la production musicale. Il y avait des distorsions, des effets, des échos et compagnie. Ouais. Tout ça est enregistré dans les studios. Bah, t'arrives à quelque chose qui est relativement écoutable, mais ça reste de la merde, tu vois. La preuve, c'est que quand vous écoutez notamment la Passion selon Saint-Mathieu, dites-vous que derrière, il n'y a rien au niveau de la console. L'ingénieur du son... il a mis en place quelques micros, il va y avoir un petit peu de réverb, éventuellement un petit peu de compression. Mais c'est rien du tout comparé à ce qu'un producteur de musique moderne met dans sa musique. Si tu joues David Guetta sur un violon, ça va faire de la merde. Tu vois. Par contre, si tu fais une production moderne de Chacon. La Chacon, c'est un morceau célèbre qui se joue au violon. Il y a un seul violon. C'est magnifique. Il y a écouté. Et pourtant, c'est une musique populaire. À la base, la Chacon, c'est même un style de musique qui se fait par un seul instrumentiste. C'est magnifique. quel que soit l'instrument sur lequel il est joué. C'est absolument magnifique. Que ce soit joué sur une guitare électrique, sur un violon, sur un piano. Hélène Grimaud en a une très belle version. C'est splendide. C'est de la musique de Blanc. Et c'est la musique qu'il faut continuer à faire. Bah là, pour conclure, moi je dirais la musique, ça traduit l'état d'un peuple. Il n'y a pas que la musique, hein, mais ça traduit vraiment l'état d'un peuple, mais ça a un effet de... Tu parles de réverbération, bah c'est le bon terme. C'est-à-dire que tu reprends en fait ta production en pleine tête, avec un effet aggravant, il y a un effet de spirale en fait. Donc tu fais de la musique nègre, ou tu tolères de la musique nègre, hop, il y a un effet d'entraînement, tu vas te remettre à faire de la musique nègre de plus en plus fréquemment. La créativité disparaît progressivement et à la fin de la fin de la fin tu vas te terminer avec du tam-tam littéralement, un peu une boîte à rythme du tam-tam. C'est comme la danse, si vous regardez, vous savez, il y a des vidéos comme ça qui sont sorties ces dernières années où vous voyez des nègres qui se disent en danse, puis en fait ils sont en train de sauter sur une meuf en mimant en fait le geste copulatoire mais de plus en plus violemment. Donc en fait, si vous voulez, la danse au départ, effectivement, c'était c'est un effort collectif avec des règles, etc. C'est une domestication du corps. Et en fait, on cherche à émanciper le corps en fait des contraintes de la pesanteur en fait. Et là, c'est l'inverse. C'est tout à fait frappant. Et le nègre a cette faculté-là en fait de ramener toujours invariablement l'humanité. En gros, je pense que le nègre n'est pas humain. Hein. Je pense qu'il est à cheval entre le singe et l'homme. Et il ramène l'homme vers la sauvagerie. Et c'est ce qu'on voit en musique, ni plus ni moins. La sauvagerie arrive chez vous. Et soit vous résistez, soit vous contractez le virus. Et moi, ce que je vois en France, en fait, c'est que le terreau est là, ça se développe à toute allure, et ça a un effet dévastateur sur l'esprit. Je pense que les ravages spirituels de cette sous-production nègre, et surpropulsée par les juifs, quoi, est considérable. Et je sais que certains ont déjà posé la question, ouais, mais le rap, ça touche les jeunes. Bah oui, mais bon, c'est comme me dire, ouais, on va résister au cancer en contractant le cancer, mais une forme moins agressive de cancer. Bah non. Ouais, il y a que deux états en médecine, y a la bonne santé et la maladie. Donc, voilà, il faut un corps en bonne santé, pas un corps malade. Un grand corps malade, c'est un mauvais jeu de mots. Donc, non, il faut résister à ça. Et il faut s'en émanciper, quoi. Et pour moi, c'est lié. Il ne peut pas y avoir... C'est pour ça que tout est lié, c'est très difficile. Il ne peut pas y avoir de grande musique sans un peuple psychologiquement en bonne santé, donc racialement en bonne santé, c'est-à-dire physiquement en bonne santé. C'est impossible. Et plus le pays dégénère racialement... plus il va dégénérer artistiquement, donc ce qui est la traduction d'une dégénérescence spirituelle, en fait. Mais les deux sont associés. La dégénérescence raciale est liée à la dégénérescence spirituelle, inévitablement. Ouais. Et de réaction, il ne peut pas y avoir, en dehors d'une réaction raciale, quoi, même de fierté raciale, à un moment donné. Quoi. À un moment donné, il faut de la musique pour les Blancs. Voilà. Je ne dis pas que l'objet de la musique... ça doit être la race blanche en tant que telle. Hein. Je dis pas qu'il faut faire de la musique avec des textes racistes, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'à un moment donné, la musique doit être faite par et pour des Blancs. Sinon, ça sera de plus en plus infect, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est dans un environnement de plus en plus hostile aussi, je veux dire, même au plan commercial, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on se sépare? Je pense que c'est le moment. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Merci. Bon, j'aurai du boulot en montage. Eh, minuit.